les champions, putain! On est les champions! Bonsoir, bonsoir à tous, vous écoutez Sport & Chill comme tous les lundis soirs de 19h à 21h. C'est l'épisode 27 de la saison 3 et non, ce n'est pas Florian, notre animateur préféré est à Lausanne préféré, dans le cadre de ses études. C'est donc Romain et moi qui allons assurer l'intérim et animer du mieux que l'on peut cette émission. Donc je compte sur vous, mes très chers chillers, pour ne pas trop en profiter. On nous connaît, on n'est pas opportunistes. Justement, les chillers ce soir, on va vous les présenter avec à ma droite, Team. Salut à tous. Salut. En forme ce soir. En pleine forme. Ouais. En pleine forme. Bien reposé ce week-end en plus. Ouais. On a. À ta droite, nous avons Thibaut. Salut. Salut à tous. Et en face de toi, Dimitri. Salut Dimitri. Salut. Et enfin Guillaume, imbougeable, avec sa casquette imbougeable. Merci. Salut tout le monde. Et juste à ma droite, nous avons Romain qui va co-animer avec moi aujourd'hui. Exactement, une première de l'émission, hein. Co-animation, on n'avait jamais fait, mais je sens qu'on a une belle équipe, on va se faire plaisir. Il y a un beau duo là. Et puis Paul va nous régaler. Ah, ça c'est évident, je vais vous régaler, c'est sûr. Aujourd'hui, on a beaucoup de résultats, beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines. Parce que voilà, on a fait une pause nous la semaine dernière, mais le sport lui continue. On va parler de Champions League, on va parler de cyclisme, on va parler de NBA, de rugby. On devait avoir un invité finalement. Martin de Vergy a eu un empêchement de dernière minute, donc on va se concentrer sur certains débats. Je compte sur vous pour assurer la suite, messieurs. On va commencer tout de suite par les résultats de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Et il y a eu la Ligue des Champions la semaine dernière, les quarts de finale aller avec le FC Séville qui a perdu à domicile contre le Bayern de Munich. Romain, j'espère que tu n'es pas trop déçu. La Juve qui a perdu à domicile contre le Real Madrid avec notamment une bicyclette d'anthologie de Cristiano. Pas trop déçu là, mon Romain. Ce sera sur le transfert de 3-0 du Real. Je l'ai plutôt bien vécu. Même pour le dire, on pourra en parler ensuite bien, ouais. À la fin des résultats, mais des résultats Ligue des Champions que nous donne Paul, mais même agréablement surpris de la performance à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. On peut forcément l'attendre, celle-là. On en reparlera justement dans un des débats. Le FC Barcelone s'est imposé face à l'AS Rome 4-1, et c'est une des perfs aussi de ce quart de finale aller. C'est Liverpool qui a mis 3-0 à Manchester City. Ouais. C'est la plus grosse surprise. C'est le plus beau match aussi, je pense. Ouais, aussi, ouais, sûrement. C'est sûr, et je pense que c'est une belle claque aussi pour Pep Guardiola et les Citizens. Il y a eu aussi la Ligue Europa où l'OM jouait, qui est le dernier représentant français dans cette compétition. Yes. Ils ont perdu à Leipzig 1-0. L'Atlético, lui, a dominé le Sporting Portugal 2-0. La Lazio Rome s'est imposée face à Salzbourg 4-2. Et enfin, c'est Arsenal qui a largement dominé le Spartak Moscou 4-1. CSKA, je crois, oui. Le CSKA Moscou, pardon, excuse-moi. Hey. Oui, pardon, autant pour moi. On développera un petit peu plus dans les débats tout à l'heure. Et maintenant, je me tourne vers toi, Tim, tu vas nous parler des résultats de Ligue 1. Finalement, c'est ce qui nous intéresse, à moins que. Marseille, hein, qui a perdu sa troisième place avec un bon nul obtenu par le MHSC en jouant un jeu très offensif, à moins que. Il y a Lille qui coule, hein, à Bordeaux, 2-1, ils ont perdu 2-1. Guingamp qui a mis une claque à 3, 4-0. Dijon qui était gagné à Toulouse 1-0 et ça s'annonce un peu compliqué pour le maintien pour Toulouse, je suis un petit peu inquiet pour eux. Il y a de quoi. Nantes qui a été défait sur un match un peu bizarre contre Monaco, je sais pas ce que t'en as pensé Thibaut, mais elle est un peu éloge de ça. Monaco a un peu joué 5 minutes dans le match et ça leur a suffi pour gagner le match. C'est efficace, ils sont vraiment très efficaces. Vraiment, ça a été très très ennuyeux comme match, mais au final Monaco sort avec les 3 points et c'est ce qu'ils étaient venus chercher, quoi. Donc un gros mental, quoi. Mention spéciale à Wony Lopez quand même. Ouais, 12 buts quand même cette saison. Ah ouais. Surtout qu'il fallait qu'il a sur les. La succession de Bernardo Silva, c'était pas forcément facile. Petite révélation quand même, parce qu'on n'attendait pas à ce niveau-là non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, il est très régulier. Partant de Lille, arrivé à Monaco comme ça, il s'est imposé. Avec Falcao, ils font partie des deux attaquants qui sont imbougeables. En autre résultat, j'ai Angers et Strasbourg qui ont fait match nul un partout. Amiens qui a giflé Caen, hein, 3-0. Nice et Rennes qui se sont neutralisés un partout. Nice qui ralentit un petit peu. Et la grosse claque du week-end, c'est Lyon qui a infligé un énième 5-0 à l'extérieur. Hein, meilleure attaque de Ligue 1 extérieur avec Memphis en feu. Hein, 4 passes décisives, 20 buts. Et enfin, le PSG qui a été tenu en échec par Saint-Etienne. Tu le sais, hein, mon Guy, un partout. Avec une égalisation à la dernière minute, un petit peu plus. Même si c'était un PSG amoindri, quand même bien surpris de la performance des Stéphanois qui ont été valeureux. Qui montent en puissance. Qui ont été valeureux. très valeureux. Puis même, il y avait quelques cas, ils commencent à avoir de la qualité. Qui ont répondu au PSG par le jeu, quoi. Ils ont, voilà, c'est pas une équipe qui s'est mis à 8 derrière. Non, non, ils ont. Non, il y avait pas mal d'occasions. Ils ont presque dominé le match. Bon, Paris qui est en roue libre, mais bon. Quand même, si à 3 mois de ça, on m'aurait dit, on passe à 2 minutes d'accrocher un PSG en B. Alors, un point sur le classement. Bon, Paris est largement en tête. Monaco, je pense que c'est quasiment fait pour la deuxième place. Ils sont à 70 points. Lyon, donc, qui s'insère à la troisième place avec 63 points, égalité avec Marseille, mais avec une meilleure différence de but. Et c'est Rennes, hein, qui confirme et qui se met à la cinquième place. Avec 47 points, juste derrière, on a Montpellier, avec 46 points. Égalité avec Nice, 46 également. Nantes, qui est juste derrière. Et après ça commence à avoir un petit trou avec Saint-Etienne qui suit. Mais après, ça. Ouais, dans le milieu du classement, tout ce qui est Guingamp, Dijon, Bordeaux, ouais, c'est que ça ne joue à rien. Saint-Etienne, ils ont un coup à jouer parce qu'ils ont une série qui est vraiment ils sont sur une bonne dynamique. Vers le haut et qui commence à vraiment monter en puissance. Mais après, derrière, ça sera plus compliqué. Mais oui, vu la forme du moment, je pense que Nice et Rennes se mettent en. Nantes qui quand même commence vraiment à s'essouffler un petit peu. J'ai vu le match il y a deux semaines contre Saint-Etienne, vous avez pris 3-0 à domicile, ils m'ont vraiment paru très. Puis offensivement, c'est très très faible, c'est très médiocre. Je trouve qu'ils font déjà une remarquable saison pour ce qu'ils ont. Oui, c'est déjà très bien. Vu l'équipe qu'il y a, c'est déjà pas si mal, je trouve. Parce que tu vois les équipes de Nice et Rennes, légitimement, ils sont quand même un petit cran dessus. Ils ont mis un effectif que Nantes. Quand même Saint-Etienne. Normalement, oui. Justement, Guy, j'allais te poser la question et moi personnellement, je vois bien Rennes effectivement capable de faire un coup. Alors pas seulement parce qu'ils sont cinquième, mais parce qu'au niveau du jeu, depuis qu'il y a Sabri Lamouchi, il y a quand même quelque chose qui a pris. Hein, bon, même si il est légitime en plus. Pour une fois, c'est un mec du club, de l'institution, donc c'est quoi, ça a rajouté de la stabilité. Et même si c'est l'équipe la plus loin actuellement, je vois quand même vraiment des signes encourageants pour Saint-Etienne. Et donc je vois Saint-Etienne capable éventuellement de d'accrocher la cinquième. Il faudra voir. Sur la durée, mais surprendre tout le monde. À part le match contre Monaco, ils sont à 4 points quand même de la 5e. À part le match contre Monaco, il y a un calendrier assez correct. Il y a un déplacement à Montpellier quand même qui risque d'être. Montpellier qui va jouer en 4 matchs, qui va jouer. Étant supporter Stéphane, pour le moment, il n'y a pas de projet. Il ne faut pas être coupé, on n'a pas les arrêts pour on ne sait pas quel va être le futur de Saint-Etienne en début de saison. Il y a un petit point d'interrogation après. C'est en mangeant quoi. Mais après oui, effectivement, sur la durée, on peut pas non plus s'emballer. Mais quand même, il y a 3 mois de cela, on voyait le club jouer le maintien jusqu'à la fin de saison. Donc bon, le titre peut se jouer la semaine prochaine si le PSG bat l'AS Monaco. Ça serait symbolique, totalement fixé. Bien, merci messieurs. On va passer au rugby. Le top 14 ce week-end avec une des affiches, les Castres qui a gagné le Stade Toulousain 28-23 à domicile. Pourtant, les Toulousains menaient largement à la mi-temps. Finalement, les Castrés sont bien revenus. Bordeaux s'impose sur le fil contre Pau 19-18. Brive s'incline à domicile contre le Loup et complique sérieusement ses chances de rester en top 14. Le Stade français, lui, a cartonné face à Clermont 50-13 et qui plonge Clermont. Voilà, Clermont, ils sont en roue libre cette fin de saison. Agen, dans le match de la peur, s'est imposé face à Oyonnax 36-21 et fait un grand pas vers le maintien. Montpellier, lui, tarif habituel face à La Rochelle, on y reviendra aussi, 40-24. Et enfin, le Racing s'impose face à Toulon, 17-13. Au classement, Montpellier est toujours largement devant avec 6 points d'avance sur le Racing. Montpellier donc 76 points, le Racing 70. Le Stade Toulousain 3e avec 66 points. Toulon 4e avec 64 points. Pau 5e avec 62 points. Et enfin, La Rochelle et Lyon sont juste derrière avec 61 points. Et Castres 60 points. En bas de tableau, c'est on y voit un peu plus clair puisque Oyonnax on croyait une remontada mais reste quand même dernier avec 30 points. Brive lui juste devant avec 32 points. Pour rappel, Oyonnax reçoit, il me semble, la semaine prochaine Brive. Je sais pas si Romain tu me confirmes ça. On verra ça de façon dans l'agenda. Le Stade français et Agen, eux, ont gagné. Pour rappel, ça a changé, la réglementation a changé, ce n'est plus les deux derniers qui descendent, mais c'est le dernier qui lui descend officiellement. Le 13e lui joue un barrage contre le finaliste de la Pro D2, donc on verra bien, peut-être que Béziers ira jouer la qualification pour la montée en top 14, si on rêve un petit peu. Guillaume, je me tourne vers toi maintenant pour parler un petit peu de boxe. Il me semble que Tony Yoka Oui, pour combattait. Son quatrième combat, si je ne m'abuse, affrontait Cyril Léoné, donc ancien champion de France des poids lourds, donc qui était censé être un adversaire un petit peu plus valeureux que les précédents. en tout cas un peu plus technique que les précédents et plus compliqué pour Tony Oka. Ça n'a pas été vraiment le cas finalement, puisque Tony Oka l'a emporté par KO à la 5e reprise. Il a été quand même un peu plus emballant que d'habitude, honnêtement. D'habitude, il se met dans un espèce de faux rythme et même se fait aspirer par la faiblesse de son adversaire. Là, comme il avait un adversaire peut-être un peu plus compliqué, il a pris les devants. Il a voulu mettre un peu plus de rythme parce qu'il sait que les critiques commencent à monter de plus en plus sur le contenu de ses masses, de ses combats. Donc, du coup, là, il a voulu accélérer. Après, il savait que c'était un adversaire à sa portée. Il a peut-être pensé qu'il pouvait prendre un être agressif. Si vous l'accélérez, il n'y avait pas trop de problèmes. Donc, apparemment, il nous annonce un combat peut-être plus corsé d'ici la fin d'année, donc j'espère. Et puis, aux États-Unis, on avait un combat très intéressant qui occupait 3 ceintures en Super Walter, entre le Cubain Grand Slendy Lara et l'Américain Jeffrey Hurd. Et c'est, entre guillemets, une petite surprise, parce qu'il est quand même plus jeune et encore moins connu du grand public. C'est Jeffrey Hurd qui l'a emporté par décision partagée. Une décision qui très compliquée à prendre, puisque moi, en ayant vu le combat, je voyais pas plutôt un nul. Non, pas évident, mais après pas un vol non plus. Je trouve que j'étais surpris par ce jeune que je voyais pour la deuxième fois et qui a été à la hauteur du combat. Donc bon, ça allait, on va dire en faveur à la jeunesse et à l'avenir, étant donné que le Cubain est plus sur la fin maintenant, même si ça reste un super boxeur. Voilà, ça a été un très beau combat, 12 rounds très intenses, tactiquement aussi très intéressant à voir. Donc voilà, pas tellement médiatisé, mais je sais qu'il y a beaucoup de connaisseurs de boxe qui ont beaucoup apprécié ce combat, donc voilà. Pour les puristes. Et oui, la semaine dernière aussi, il y avait eu la victoire sans trop de problèmes de Anthony Joshua face au néo-zélandais Parker. Donc la moins emballée, mais pas de KO par contre. Pas de KO, donc c'est quand même contre un adversaire qui a été correct, mais pas non plus un gros prétendant comme a osé le faire Wilder. Ça a quand même fait grincer les dents. Mais maintenant, voilà, on est tous tournés vers le combat qui s'annonce d'ici la fin d'année ou début de l'année prochaine entre Wilder et Joshua, les deux maîtres des poids lourds, vu que Joshua a envoyé une invitation à Wilder qu'il a accepté justement dans la foulée. Donc voilà, on attend avec impatience ce choc au sommet des poids lourds qui s'annonce favori, très intéressant. Sur la technique, je dirais quand même Joshua qui est plus complet, mais après Wilder a plus de folie et j'avoue que les deux styles peuvent être vraiment intéressants à voir, donc ça sera compliqué à pronostiquer. Ça sera pas un combat stéréotypé quoi. Ah non, là vraiment tous les amateurs de boxe je recommande, parce que ça peut être un très beau combat et en poids lourd c'est pas si fréquent, donc ça sera à voir. Ouais. Je vous communiquerai la date dès qu'elle sera sortie. Merci Guillaume pour ce point boxe. You're welcome. Bah Tim, je me retourne à nouveau vers toi pour le tennis. Il y avait la Coupe Davis ce week-end. Tennis. Il y avait la Coupe Davis ce week-end. Comme vous savez, la France qui a joué l'Italie et qui a c'était à Bologne le match et qui a sorti l'Italie. Jeune, pardon. Excuse-moi. Correction please. Pas gêné moi. Salut. qui a battu l'Italie 3-1 avec deux victoires en simple de Pouille, dont une sur Fonini. Propre. Où on peut quand même souligner on a tendance souvent à décrire un peu le mental des Français. Pour une fois là, il y a eu un sursaut d'orgueil. Parce qu'il était très mal embarqué dans la troisième manche contre Fabio Fognini, qui sur terre est un très bon joueur. Mais bon, voilà, on connaît ce joueur, c'est quelqu'un qui a un mental aussi très instable, hein, on l'a vu. Ça a début du quatrième set, il est un peu. Non, il est un peu. C'est pas le style. Il est un peu fissuré. Ouais. Ouais. Et donc voilà, Pouille qui a gagné deux simples. Chardy qui n'avait pas démérité face à Fognini, mais il est quand même moins fort, il avait perdu en 4-7. Et au final, victoire assurée par le double, hein, très solide. Largement, Mayu et Mayu à chaque Herbert. Fois, ça répond au présent en principe. Ouais, ils étaient au-dessus, hein, ils étaient bien au-dessus de la paire italienne. Et heureusement, d'un côté. Ouais, oui, heureusement. Ouais. Ils ont assuré leur statut. Ouais. Parce que s'il y avait eu un simple décisif Chardy Seppi, pour moi, c'était 50-50. Hein. Ah oui, largement. Seppi, ouais. Ça se jouerait au mental. Il pue le tennis, Seppi. Mais bon, ça prouve que voilà, Pouille, enfin, assume le tennis, un statut de taulier, quoi. Et... Mais ça assume le statut Pouille, de taulier. Il y avait une stat un peu terrible sur son année 2017, c'est que là, il est 11e mondial et il a battu aucun membre du top 20. En oui, 2017. Voilà, c'est donc, ça. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Oui, là, mais ça fait oui, du bien. Mais après, voilà, sur un match comme ça de par équipe où il fallait gagner ces deux matchs, il a assumé son statut. Quoi. C'est... Dans les autres rencontres, je pense que c'était la rencontre la plus spectaculaire, c'était Espagne-Allemagne, ouais. Où l'Espagne qui s'est imposée au terme d'un match décisif incroyable, 4h50 de jeu et David Ferrer qui l'a remporté au forceps. T'es la lagnac encore celui-là. Ouais, 7-5 au 5e set contre Kohl Schreiber. Incroyable. Nadal avait régalé un deux simple. Ça il remonte en plus. Je suis vraiment pas inquiet pour la saison sur terre de Nadal, hein, je le dis. Encore un grand favori pour. Et voilà, la France qui va recevoir l'Espagne du coup en demi. Donc par contre, intéressant. Qui dit recevoir, ça veut dire que la France va pouvoir choisir la surface, donc ils vont vouloir à tout prix éviter d'être battus. Bah là, sinon, parce que on sait pas déjà si Nadal le disputera, parce qu'il a disputé le quart de finale, ça fait deux ans peut-être qu'il avait mis l'Espagne. Il a dit qu'il était prêt à la jouer. Il a de nouveau la niaque, l'envie. Même sans Nadal, de toute façon, ils auraient pas pris la terre battue, à mon avis, la France, parce qu'ils savent que l'Espagne. Oui, dans tous les cas, même David Ferrer sur terre, même les autres, faut le sortir. Ouais, Verdasco aussi. Verdasco, t'as aussi... qu'ils vont choisir autre chose. Bautista. Non, c'est pas lui que je pensais. Carreno Busta. Merci, voilà, Carreno Busta. Quel charisme d'une huître, au passage. Merci. Tommy Robredo, peut-être, aussi. Tommy Robredo, aussi. Pablo Andújar, pour les connaisseurs. Dans les autres rencontres, un peu moins spectaculaires... Croatie-Kazakhstan, Silic qui a sa surprise de donner la victoire à son pays. Et enfin, la dernière ronde, c'était États-Unis-Belgique, les USA qui ont tout simplement sweepé la Belgique 4-0. Non, il n'y avait pas David Goffin. Donc quand on joue le numéro 1, c'est Ben Elmans face à Sam Querrey et John Isner qui retrouve son meilleur tennis. Pas inquiet pour Eric. Isner qui est en ce moment Qui a gagné Indian Wells, mine de rien. Et je ne sais pas si tu as suivi un petit peu le fil de cette rencontre. Ça, c'était peut-être la moins intéressante. Mais de ce que j'ai vu, les Américains ont quand même eu du mal. Ils gagnent 4-0, mais ils ont eu des matchs accrochés. Après, je crois que le capitaine de l'équipe américaine a dit que finalement, c'était aussi ça la Coupe Davis. On en reviendra dans le débat, mais c'est exactement ça. Et donc voilà, je résume vite fait les demi, c'est donc du coup France-Espagne et Croatie qui va recevoir les États-Unis, et les matchs seront le 14 et 15 septembre prochain. Merci Tim, tu nous régales. Il n'y avait pas eu de ce week-end, par contre il y en a eu la semaine dernière, puisque Paris, Nantes et Montpellier sont qualifiés pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. On y reviendra dans le sport montpelliérain avec Montpellier. On va parler maintenant d'un sport qui est peut-être le sport préféré des Chillers ce soir, puisque c'est le cyclisme Romain va nous problème de gorge en ce moment que Romain va nous préciser ce soir, avec notamment les classiques flandriennes et le Tour du Pays Basque. Exactement, et Tour, mais en tout cas Paris-Roubaix. Et bien sûr, dans les classiques flandriennes, justement, je vais le préciser. Je connaissais pas l'appellation. Paris-Roubaix est la classique termine justement le cycle des classiques flandriennes. D'accord, comme ça, c'est la classique des classiques. La classique des classiques, exactement. Et donc, effectivement, un sport qui va quand même ravir mon collègue à l'animation, Paul, très intéressé aussi. Et avec donc, des courses d'importance qui avaient lieu cette semaine, sachant qu'on avait, premièrement, au moment où on était absent pour petit congé de férié, un beau Tour des Flandres, donc un des monuments du cyclisme. On parlait des monuments du cyclisme, il y a notamment le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et Milan-San Remo qui a eu lieu un peu plus tôt. Et au Tour des Flandres, la victoire est revenue à un Néerlandais, Nicky Terpstra, qui avait déjà remporté Paris-Roubaix en 2014, si je ne me trompe pas. Petite surprise Sur le nom du vainqueur, sur le fait qu'il aille chercher aussi cette course, je pense, en particulier. On l'imaginait peut-être plus sur Paris-Roubaix, parce qu'il préfère justement ces styles où c'est plus plat. Moi j'aurais plutôt imaginé en fait le sens inverse, plutôt Sagan gagner le Tour des Flandres et Terpstra le Paris-Roubaix, mais au final c'était l'inverse, et c'est ce qui fait aussi la beauté du cyclisme. Finalement c'est le côté aléatoire, finalement prévisible. Oui, c'est clair. Après voilà, Terpstra a bénéficié à la fois d'une forme assez optimale, sachant qu'il a fait une très belle campagne de classique, et puis d'une équipe qui est sans doute l'équipe la plus forte de ce début de saison, qui est l'équipe belge Quick-Step, qui a placé également un autre coureur sur le podium du Tour des Flandres, Philippe Gilbert, aussi multiple vainqueur de classique. Petite surprise à la deuxième place pour finir avec le Tour des Flandres, avec la deuxième place de Mats Pedersen, qui est un jeune Danois qui monte, et donc voilà, qui a été capable de faire un beau résultat. C'est vrai, on y reviendra sur le Paris-Roubaix aussi. On peut être un petit peu déçu, par contre, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Paul, des résultats de nos petits Frenchies. Tu sais qui c'est qui a gagné au Paris-Roubaix? Dis-nous tout. Peter Sagan. Bien vu. Je l'avais. C'est quand même un petit exploit, non? Tu suis l'actu, toi, non? Je suis tombé dessus comme ça à la télé, j'entendais. Et... c'est l'actu qui est passé à moi. Ouais, pas besoin d'aller chercher. Pour en revenir à Romain, c'est vrai qu'Arnaud Démare, qui était le français attendu, un des outsiders d'ailleurs de cette épreuve, et il a dit qu'il n'a pas eu les jambes. Voilà, il a eu un souci technique à un moment donné avec son vélo. C'est compliqué pour faire du cyclisme. Et surtout sur Paris-Roubaix, quand on sait que c'est une épreuve avec beaucoup de difficultés, très éprouvante, où on voit les mecs à la fin. hein, plein de poussière au visage. Ah, mais bon, moi, j'avoue que Peter Sagan, c'est un de mes préférés, et le voir gagner, ça fait plaisir. C'est drôle aussi, je crois. Oui, un de mes coureurs fétiches, et justement, on en vient au Paris-Roubaix dessus, non ? J'ai déjà fait un coup de cœur sur Peter Sagan, et ce sera sans doute le coup de cœur du jour de Paul, justement, pour le champion du monde, triple champion du monde, je devrais dire, qui a donc remporté, on l'a déjà dit trois fois, le Paris-Roubaix cette année, pour la première fois de sa carrière, sans doute le grand titre qui manquait à son palmarès, pourtant jeune carrière, mais après le Tour des Flandres, avoir été plusieurs fois champion du monde et également remporté le maillot vert du Tour de France. Un objectif pour lui clair était ce Paris-Roubaix, il allait le chercher face à une équipe Quick-Step qu'il a réussi à piéger. Finalement, c'est Peter Sagan qui a été le plus opportuniste en contrant l'attaque de Greg Van Avermaet. Assez décevant, le tenant du titre d'ailleurs. Ben, surtout qu'en fait il a donc attaqué donc environ 55 km de l'arrivée, ce qui est assez surprenant. Il était souvent reproché d'être un peu attentiste et d'attendre le sprint à la fin. Là il a attaqué à 55 km et c'est loin, hein, partir de 55 km sur des pavés. Ça fait un joli contrôle la montre, surtout sur des pavés. Je suis fatigué après. Moi je suis sûr t'aurais gagné. Moi non, parce que je me dors, c'est sûr. Mais il a prouvé que c'était le patron et qu'il a, malgré son jeune âge, encore un bel avenir devant lui. Ouais, effectivement, superbe performance de Peter Sagan qui l'emporte du coup devant le champion de Suisse, Sylvain Dillier. Alors lui, on le voyait pas du tout venir, j'en parlais avec Dimitri juste avant l'émission, qui était dans l'échappée matinale. On dit que dans Paris-Roubaix, plus que dans le Tour des Flandres, en étant dans l'échappée, on a moyen de faire un bon classement. Souvent, on dit plutôt un top 10 parce que les favoris finissent par passer devant. Et Dimitri, on peut être épaté de la performance. J'ai une question à vous poser, je l'ai à poser. Moi, mais pensez-vous que le prochain objectif de Sagan, ce serait gagner une course d'une semaine ou gagner un grand tour? On a gagné toutes les classiques. Bah, on aura l'occasion d'en parler une fois un peu plus si on aura plus tard dans la saison un débat cyclisme, parce que ça peut être un vaste sujet que voir les futurs objectifs de Peter Sagan. Mais grand tour, ça me paraît très difficile parce qu'il n'a pas forcément le gabarit pour ce type de course. Voilà, il gagne beaucoup, on le voit à peu près partout, mais en montagne c'est pas du tout son secteur. Il n'est pas assez complet encore pour gagner un tour. Après par contre des courses d'une semaine du appartenant au World Tour, je pense qu'il en est largement capable et que ça peut être des objectifs pour lui, effectivement. J'ai une question, c'est un coureur suisse donc? Celui qui a terminé deuxième. Ouais. Et il ne court plus Fabio Cancellara. Et Fabian Cancellara ne court plus, effectivement. Ouais, lui qui a remporté plusieurs fois le Paris-Roubaix. Alors voilà, voir peut-être un signe, peut-être un héritier de Peter Sagan. En tout cas, un coureur suisse avec le maillot d'AG2R mondial, équipe française, arrivé à accrocher Peter Sagan jusqu'au bout, sachant qu'il a été juste battu au sprint dans le vélodrome de Roubaix. Monstre de courage, parce qu'il a été devant depuis le début de la course. Il faut savoir que Paris-Roubaix, c'est plus de 250 km, donc c'est une course petite course conséquente, quoi. Une course très conséquente, voilà. Ouais. Et enfin, troisième sur le podium, donc Terpstra qui avait fini sur le podium à la plus haute marche sur le dernier Tour des Flandres. Donc plutôt un magnifique Paris-Roubaix entaché par deux choses très très brièvement. À la fois, ça c'est le côté dont finalement bien moins grave pour nous, des performances un peu difficiles pour les Français. Premier Français, Marc Sarro, assez inconnu d'ailleurs au bataillon, mais qui avait gagné une course dans la semaine, qui finit 26e, donc assez loin. Oh, le premier Français, il est 26e. Premier Français, oui. Arnaud Démare, qui était un des favoris de la course. 61e sur le Paris-Roubaix. Elle a rien compris, là, les poulets. Et donc, par contre, une bonne petite perte pour un Français qui termine quand même dans les 40 premiers, le jeune Tanguy Turgis, qui est le premier coureur, même pas français, coureur international, à le plus jeune plutôt, à terminer le Paris-Roubaix depuis les années 30, à seulement 19 ans. Donc, belle performance pour lui. Et puis, côté plus tragique, cette course a vu le décès d'un coureur, le jeune belge Michael Gollertz, qui est tombé dès le deuxième secteur pavé. Chute qui paraissait au début anodine et bien plus grave. Il a été héliporté au CHU de Lille en état d'arrêt cardio-respiratoire. Annoncé dans la soirée le fait que le pronostic vital était engagé, 23 ans, donc né en 94, et mort dans la soirée. Une enquête va être ouverte à ce sujet, c'est pas la chute, c'est l'arrêt cardiaque qui... Alors on sait pas justement comment ça s'est passé, si c'est la chute, la chute et où il a eu l'arrêt cardiaque par la suite, ou si il fait un arrêt cardiaque et donc il tombe de son vélo à la suite. J'ai posé une question qui va peut-être te faire mal, mais est-ce que l'intensité du Paris-Roubaix peut être c'est... Je sais que c'est une course, je connais pas assez, mais je sais que c'est une course très dure. Après, c'est un jeune coureur, donc il avait jamais couru cette course, donc ça, on ne sait pas. Après, voilà, il va y avoir une enquête là-dessus. Ça était quand même plutôt dans les 100 premiers kilomètres, je crois, que ça s'est passé. Donc ça paraît bientôt. Voilà, il faudra éclaircir ce qui s'est passé. Après, il peut avoir une insuffisance cardiaque. En tout cas, c'est bien tragique pour ce jeune coureur. En bref, sachant qu'on a beaucoup parlé des classiques, juste le résultat du Tour du Pays Basque avec la victoire de Primoz Roglic qui remporte donc ce Tour du Pays Basque devant respectivement devant les yeux, qui remporte la course devant Mikel Landa et Jon Izagirre. Nairo Quintana, futur favori sur les courses par étapes et notamment le Tour des France, termine 5e. Et le premier français est Romain Bardet, qui termine à la 13e place. Alexis Vuillermoz, 17e. Et enfin Nicolas Hédé, 19e pour le top 20. À noter malgré tout la belle perf de Julien Alaphilippe qui sort de ce top 20 mais qui remporte deux étapes au cours de la semaine. Donc plutôt belle semaine par contre du côté du Tour du Pays Basque, contrairement aux classiques flandriennes pour les Français. Bien, merci Romain pour ce point complet sur le cyclisme. On passe à la NBA pour nous rappeler les quelques résultats avant d'en débattre tout à l'heure dans un des débats avant les playoffs. Donc d'accord. Je me tourne vers vous, monsieur Dimitri. Alors, victoire des Jazz face aux Lakers, 122 à 118. Exceptionnel à Mitchell avec 28 points et 8 passes décisives. Victoire des Spurs face aux Blazers, 116 à 109. Et victoire des Sixers de Ben Simmons, le futur rookie de l'année, face aux Mavs, 109 à 97. 14e victoire d'affilée pour les Sixers quand même. Et Ben Simmons, c'est un triple double sur la série de 14 victoires, c'est du jamais vu. Premier joueur à faire dans l'histoire, ouais. Remarquable. Sixers, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus à ce niveau-là. Oui, je en pense que c'est une année, l'année ça faisait 50 ans qu'ils avaient. Enfin, je sais plus, j'ai vu une stat. Ah oui, qu'ils avaient pas atteint 50 victoires. Ouais, voilà, bah, c'est ça. Ah ouais, là vraiment, ça faisait un petit moment, ça fait vraiment plaisir. Ça affirme ce que bon, bah, ça promet un joli débat pour tout à l'heure. Ouais, on dira un dernier résultat, une défaite qui devrait nous alerter pour les playoffs, c'est la défaite de Boston face aux Hawks d'Atlanta. À domicile en plus. Au Titi Garden, 112 à 106. Ouais, ça fait tâche quand même. Bien, merci Dimitri. Je me retourne à nouveau vers toi, Romain. Tu vas nous parler un peu des autres sports, avec notamment du golf, des sports automobiles. Oui, bah du golf, effectivement, on n'en parle pas souvent, mais il y avait même jamais cette saison encore. De mon Guy Savary. Hein. Mais voilà, tu le dis, c'est vrai qu'il y a un ancien de l'émission qui est un autre chroniqueur golf, notre spécialiste, je devrais dire. Donc du golf avec le Masters d'Augusta, qui est un des Masters les plus importants de la saison, et la victoire de Patrick Reed pour la 82e édition. Il l'emporte avec un coup d'avance sur Ricky Fowler et Jordan Spieth. Et Rory McIlroy a été le grand perdant de la dernière journée, qui est donc un des golfeurs les plus connus et favoris sur ce type d'épreuve actuellement. Donc avec ce résultat, Patrick Reed a surpris un peu tout le monde. Il remporte le plus grand titre de sa carrière et grimpe au 11e rang mondial. Il enfile à 27 ans trophée assez symbolique de ce Masters d'Augusta, mais que je trouve typiquement golf, qui est la célèbre veste verte du Masters d'Augusta. Donc une superbe performance pour lui, qui avait déjà fini deuxième de l'US PGA. Et donc qui n'est pas non plus une surprise énorme, mais voilà, le voir remporter un Masters de cette importance, c'est une victoire qui a été très peu médiatisée. Au final, on n'a pas beaucoup entendu parler, contrairement à d'autres Masters de golf dont on peut entendre parler. Là, ça a fait un peu c'est un peu dommage, parce que c'était quand même une vraie belle performance et on n'en a pas beaucoup entendu parler, quoi. C'est un peu dommage. Et effectivement, avec pas mal de golfeurs de très haut niveau, avec le retour de certains, on peut penser à Tiger Woods, avec voilà, tous les favoris qui étaient présents et qui ont répondu présents d'ailleurs jusqu'au dernier jour, que ce soit, même si Rory McIlroy s'est un peu loupé sur le dernier jour, avec un super retour de Jordan Spieth. Enfin, il y avait du beau monde en tout cas, et c'est vrai que la médiatisation, mais comme souvent autour du golf, a été un peu faible. Un sport qui reste en retrait en tout cas en France. On va passer très vite au sport automobile, surtout que là je pense qu'il va avoir un petit peu de réaction, même si on y reviendra un petit peu plus sans doute dans le coup de cœur de Guy sur Pierre Gasly. Mais la victoire de la Ferrari de Sébastien Vettel au GP de Bahreïn devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, et donc la belle quatrième place de Pierre Gasly. Une très belle course, honnêtement. Je l'ai regardé là en dimanche après-midi après un bon petit repas. Content de le savoir, t'as mangé quoi? Et pour une fois, c'était couscous. Donc voilà, dans le léger quoi. Couscous formulaire, le beau mélange. Ah non, là c'était, ouais, c'était vraiment mal, signe, un mélange satanique. Ouais. Par contre, pas sûr que lui mange un couscous avant le. Ah, ça, le, avant pas formule. Par contre. Sinon, on va go terminer dernier quoi. Mais non, je me suis pas endormi, donc c'est déjà bon signe ces derniers temps. Et non, une belle course, bien rythmée. Alors, ça a été dur pour Hamilton qui a été pénalisé de 5 places au qualif pour un changement de boîte de vitesse. Ils ont cru que ça allait passer à l'as, mais non. Donc, du coup, il a été pénalisé de 7 places. Il a quand même réussi à remonter à 3ème place. Hein, parce que bon, c'est Hamilton et qu'il a une Mercedes. Mais après, oui, très belle course de Ferrari qui confirme qu'il y a une voiture de mieux en mieux qui peut accrocher Mercedes cette année. Vettel a fait une course quasiment parfaite. Deux victoires en deux Grands Prix. Hein, pour ouais, ouais, c'est, ça fait ouais, un petit moment que ça va arriver. Ouais. Et il a eu chaud quand même, hein, parce que sur la fin, il avait un mauvais choix de pneus et Bottas commençait à lui revenir dessus. Et je pense qu'avec un tour en plus, ça aurait été très compliqué de la préserver. Mais en tout cas, oui, Ferrari qui confirme son très bon début de saison, qui s'installe en vrai gros challenger, encore plus que l'année dernière pour Mercedes. À noter quand même aussi, il y a eu un moindre drame, mais un mécanicien de chez Ferrari sur le redémarrage de Raikkonen qui s'est fait renverser, donc il a été directement hospitalisé derrière. D'ailleurs, je n'ai pas eu de nouvelles depuis, je sais que son état n'était pas non plus critique. Opération Axis, ça s'est bien passé. Voilà, ok, d'accord. Bah, mais c'est vrai que j'en avais parlé justement banane, avec, ouais, avec Alex au bureau. Ouais. De c'est nos chillers rare. Et image voit déjà très rare et puis très image rare. Assez impressionnante. Ah oui, c'est quoi Alex au bureau ou de. Ah non, pardon. Ça va. Non, ça c'est pas impressionnant. Tout le monde a compris. Et du coup, bah, d'ailleurs, Raikkonen a d'ailleurs abandonné après la course, lui qui était troisième, donc ça l'a un peu embêté, connaissant la chaleur et la joie de vivre du garçon. On l'a vu assez frustré, mais qui sait. Quand même de suite aller à l'écurie pour réconforter les mécaniciens qui étaient déjà touchés. J'aurais une question à te poser. Il y a eu un accrochage entre Verstappen et Hamilton, j'aurais aimé savoir ton avis dessus. Alors, moi qui aime bien Verstappen, je vais être objectif et lucide. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une fougue, il a beaucoup d'ambition et tout, mais bon, voilà, les fougues de la jeunesse a parfois quelques défauts. Quelques limites surtout. Donc, oui, ouais, quelques limites malheureusement. Donc, oui, ouais, il est assez fautif sur le coup. Et c'est dommage parce qu'il était plutôt pas mal dans cette course et là encore une fois pour un pilote qui s'annonce être un gros outsider et futur star montant de la F1, là voilà, il démarre mal cette saison, donc s'il veut espérer être on va dire dans le top 5 des pilotes, ouais c'est que le début, mais il faudra mettre plus de rythme sur les prochaines courses et donc cesser d'être parfois trop fougueux dans ce genre de situation. Bien sûr, on reparlera donc de ce Grand Prix dans la parole des Tochillers avec nos Français, plutôt notre Français Pierre Gasly. Sauver les meubles, heureusement. Voilà, qui a plus que sauver les meubles, on y reviendra. Donc, sans transition, retour sur la MotoGP. C'est vrai qu'on est pas mal encore pas trop revenu sur la MotoGP et un GP d'Argentine à la veille du grand GP d'Austin des Amériques qui a été assez mouvementé, assez, j'ai envie de dire, et assez spectaculaire. Et pour le coup, avec une saison qui s'annonce pour le moins indécise et palpitante, sachant qu'on a vu la victoire assez surprise du Britannique Cal Crutchlow, qui d'ailleurs prend la tête du classement général en MotoGP, et il emporte devant notre petit Français, Johan Zarco, qui a été encore pas loin de la victoire. Visiblement, il est un peu agacé d'être pas loin, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça va finir par sourire? Ça va finir par payer, parce qu'il a le talent, il a la science de la course. Il a une bonne moto en plus. Je pense que ça va venir. C'est même pas une question de déclic, c'est une question de temps, je pense. Oui, je suis pas inquiet. Quand même, j'ai un petit retour à cette course parce que j'ai une petite pensée pour Jack Miller qui avait choisi les bons pneus et qui n'a pas eu l'avantage qu'il méritait. C'était un véritable scandale. Et qui est parti en pole position, effectivement, et qui termine seulement quatrième de cette course. À noter un autre événement dans cette course, c'est les multiples accrochages qu'il y a pu avoir avec Marc Marquez, et surtout celui entre Marc Marquez et Valentino Rossi, les deux grands pilotes de... Après la course, il a voulu aller voir le box de Valentino Rossi pour s'excuser, et le box de Rossi qui a refusé. C'est même pas Rossi, c'est le, carrément son équipe qui l'a empêché d'aller ouais, voir. Ouais, voilà, ouais, et vous pourrez dire aussi qui a refusé quoi. Vous pourrez dire ça effectivement. D'ailleurs aussi qui a été très dur en conférence de presse. Ouais, on sentait avec Marc Marquez disant que il avait peur et que c'était deux, un ouais. peu une honte ce qui s'était passé sur ce Grand Prix. Enfin, terminons avec deux derniers résultats vraiment en bref, sinon on va prendre effectivement du retard comme nous le dirait Flo. Si bien le Rallye de France qui était en Corse avec la victoire pour le champion du monde Sébastien Ogier au volant de sa Ford Fiesta RS WRC, vainqueur pour la troisième fois en quatre courses cette saison, donc super début de saison, mais moins de suspense sans doute effectivement qu'en MotoGP ou en Formule 1. On parle de la F1 mais là c'est encore pire je crois. Et l'engouement qui est effectivement un peu retombé, à voir l'Estonien Ott Tänak qui termine deuxième que personnellement je ne connaissais pas, et Thierry Neuville lui je le connais, belge, qui termine troisième. À noter par contre sur ce rallye de Corse les performances des autres Français. Johan Bonato termine dixième et puis Sébastien Loeb qui faisait son retour termine quatorzième. À noter pour ça lui quand même, alors bon ça a été un peu difficile sur la fin de ce rallye de Corse, mais qui remporte trois spéciales avec son compère Daniel Elena. Ça prouve qu'il a encore au niveau, ça c'est sûr, mais encore une voiture correcte, mais après je pense que il pourra pas aller chercher beaucoup plus non plus quoi. Et enfin, dernier événement donc, du week-end, c'était le marathon de Paris. Et alors, une double victoire, j'ai envie de dire, sans surprise. Double victoire kenyane au marathon de Paris. Bien vu, Guillaume. Suspense, pour Paul Loniangata, qui avait déjà remporté la course l'année dernière. Donc, il remporte la 42e édition en 2h06 minutes et 25 secondes. Et chez les femmes, c'est sa compatriote Betsy Saina qui est arrivée en tête en 2h22 minutes et 55 secondes. Petite anecdote, j'ai envie de dire, c'est dimanche un Français qui a fait la course non pas avec ses bonnes petites chaussures mais pieds nus et qui arrivait jusqu'au bout des 42 km et quelques. Assez impressionnant et visiblement c'est pas la première fois qu'il réalise cette performance. Et il réalise quand même le marathon en 3h54 minutes et 17 propre, secondes donc le Français. Déjà qu'en chaussures je le fais pas, je pense que là lui. Non par contre en cross tu le fais moi. En tout cas, oui, effectivement, performance assez impressionnante. Et comme vous le voyez, on reviendra sur les sports qui ont vraiment marqué cette semaine dans les débats. Mais on avait une actualité plus que chargée, au vu d'ailleurs de cette belle demi-heure qu'on a passée ensemble. C'est bon. Cette belle demi-heure, on s'est régalé, n'empêche, faut pas dire, mais ça a été varié. Ça a été varié, plein d'informations. On développera donc, comme tu l'as dit, la Champions League, la Coupe Davis et la NBA dans les débats de la semaine qui seront dans la deuxième partie de l'émission. Du coup, on va avoir notre première pause musicale que nous a choisi notre cher team, notre DJ Radio Campus. C'est pas un son chinois, mais c'est pour un petit peu annoncer le début de l'été. Je choisis un son de Calvin Harris, Stars Come Out. Bon, écoute, tu as fait ma transition. Donc, Calvin Harris. Stars Come Out. En tête de la fun list. the grass, watching the stars come out. Bonsoir, il est 19h45 et vous êtes toujours avec l'équipe de Sport and Chill sur Radio Campus Montpellier. C'était le titre de Calvin Harris, Stars Come Out. Effectivement, l'été est tout proche. Ouais, pas dehors par contre, pas dehors, non. Il se cache en tout cas. Suspense encore. Et oui, mais on s'inquiète pas, on est à Montpellier. Ça va vite revenir. Et en parlant de Montpellier, sans transition, c'est parti pour les résultats des sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Malin ce Romain. Oui, mais... Ah, il a plus de la sens de transition à la Polka, quoi. Exactement. T'as tout vu, comme à Barcelone, t'as vu l'événement. Ah oui. On y sera. Tu m'en régales. On y sera. Et donc, effectivement, commençant avec nos sports montpelliérains, on va pas partir trop loin, là, on va perdre nos auditeurs. Et on va commencer très classiquement par le football, mais par nos féminines qui ont vraiment brillé. Elles ont plus régalé qu'hier. Alors, effectivement, on a été un petit peu déçus, je pense, par l'élimination en Ligue des Champions face à Chelsea, mais les footballeuses montpelliéraines sont bien remis ensuite. Un petit peu déçus, c'est sûr, mais ouais. Chelsea, on sait qu'ils ont une très bonne équipe féminine et que c'est un club qui se développe très bien aussi. Puis le plus dur avait été fait par Chelsea au match aller à Moscou. La différence était faite à l'aller 2-0. Mais restons donc sur le positif avec les footballeuses montpelliéraines qui ont été étincelantes par contre lors de la 18e journée qui se disputait le 1er avril dernier avec une victoire 3-0 contre le PSG. Je pense que tout le monde ne la voyait pas forcément venir celle-là. Et les filles de Jean-Louis Saez ont mis donc la pression sur leur rival direct pour une qualification européenne. Donc bravo aux filles qui mettent la pression sur le PSG. Ouais, puis on aime toujours quand le PSG se fait taper. Finalement. Et oui, je pense. Puis, pas forcément quand c'est un club local, quoi. Faut l'assumer, je pense que Tim, vivant à Montpellier et étant aussi supporter de l'Olympique Lyonnais, tout se passe bien quand c'est un résultat comme celui-ci. C'est la banane, quoi. Exactement. RAS. Concernant les masculins, donc le MHSC, après sa victoire 3-1 à Caen la semaine dernière, très belle victoire pour le coup, même si Caen est une équipe actuellement en difficulté, qui perd beaucoup de matchs. Ça va, mon Guy ? Fallait l'achever. Les Payadins ont tenu tête à l'Olympique de Marseille hier soir au stade Vélodrome, 0-0, après un match sans grande envolée. Il est allé jusqu'au stade. Je la sentais venir. Devant le but de Lecomte, et puis ça n'a pas bougé, quoi. Et donc effectivement, les joueurs de Michel Derzakarian se sont montrés assez solides et ramènent un point précieux du Vélodrome. Mais effectivement, comme d'hab, face aux équipes du top 1. Un match qui a sans doute fait rêver personne. Ah ben là, non, si t'aimes le football, t'as pas pu rêver là hier, c'est sûr. J'ai pensé pour moi Alex qui était au stade, qui a fait aller-retour jusqu'à 2h30, il a pas dû se régaler, quoi. Ah là, non, si t'es pas le collier, le retour, c'est dur, c'était la soupe à la grimace, moi, Alex. Hein. Je pense qu'un un petit peu déçu, mais pour parler de Montpellier, les gars, c'est vrai que cette équipe ne fait pas rêver dans le jeu, mais comme l'a dit Laurent Nicolas. Comme l'a dit Laurent Nicolas, voilà. Avec la vulgarité. On fait pas rêver, mais on s'en branle. Voilà, qui lui va bien, mais qui nous fait bien rire chez nous. Il va prendre l'âme de son. C'est un peu triste comme déclaration quand même. Ouais, c'est triste, quoi. Après, honnêtement, ça respire pas le football. Ouais, c'est ça. Ouais, pour tout le sport, le sport, en général. Les gars, je sais pas votre avis, mais certes, on peut être un peu déçu de ce qui est produit par le club, mais est-ce que finalement, au niveau comptable et pour le classement, c'est pas l'effectif actuel, c'est pas ce qu'il pouvait faire de mieux? Si, on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes, par rapport à l'effectif actuel, ce que fait Michel Derzakarian et par rapport à ce qu'avait fait Frédéric Hans au passé, c'est très bien. Sur le plan comptable, il fait une très bonne saison, et avec les joueurs qu'il a, il fait avec les moyens du bord. Il est obligé, entre guillemets, de prôner un football un peu défensif, plus sceptique. Ouais, un petit peu. Je prends toujours l'exemple de Lorient qui, avec une équipe moyenne, réussissait à faire du beau jeu. Je pense quand même qu'il a pas les moyens d'Amiens non plus. Devant, tu vois Giovanni Sio. Il a des joueurs comme Junior Sambia qui sont quand même Joueurs de ballon. Le pire, c'est qu'il y a quelques joueurs de ballon, c'est ça qui m'inquiète, moi. Il y a peut-être autre chose à faire que qu'ils ont joué comme ça. Mais voilà, c'est ça. Ils s'enferment dans leur système. C'est ça le problème. 5 défenseurs et. Voilà, c'est ça. Ils s'enferment un peu dans cette idéologie. Il le fait trop souvent, même. Pas toujours contre les gros, s'il le fait sur des équipes moyennes aussi. Ouais, c'est qu'il y a un projet de jeu offensif. Alors qu'ils sont plus abordables, des fois à domicile, ils peuvent faire plus offensif. Ce qui est inquiétant, comme tu dis, c'est qu'il y a des joueurs de ballon. Les mecs comme Ikoné, Mbenza, comme Sambia, tu l'as dit aussi. Les latéraux sont bons. C'est aussi des joueurs de ballon. C'est des mecs qui débarquent. Je pense qu'il y a aussi. Oui, Roussillon, je pense qu'il y a aussi un problème de discipline aussi aux entraînements. Est-ce que les mecs sont pas assez impliqués, pas assez investis, et du coup, ça a des conséquences sur leur performance? Moi, je pense que surtout, il n'y a pas de projet offensif. Pour avoir assisté à quelques entraînements, Il est un peu trop nonchalant, il voulait. Je pense que Derzakarian, on l'a dit un peu, s'il travaillait plus, en gros, il connaît quand il a brillé. Je pense que c'est quand il y a des moments où il s'est fait un peu rappeler à l'ordre à l'entraînement. Que les mecs, ils ont 19 ans, ils savent qu'ils sont un peu aussi au-dessus du lot techniquement et physiquement, et du coup, se reposent peut-être un peu sur leur laurier. Donc, je pense que ça viendra avec le temps. Derzakarian, c'est pas le football champagne. C'est pas le football. C'est l'anti-Jurgen Klopp. Ah, c'est sûr. Donc pourquoi pas avec le temps, on verra. Mais après, voilà, si tu termines 5ème en ayant joué de cette bonne manière-là, bon, ok. Mais si tu termines 8ème avec des matchs de cette qualité-là, à mon avis, t'es supporter de Montpellier et que t'aimes le beau football, c'est sûr que là, tu vas avoir les boules sur cette année, quoi. C'est ce que je veux dire? Ouais. Après, effectivement, du coup, un petit point sur le classement. Montpellier, on en parlait avec les autres clubs de cette zone du classement, j'ai envie de dire, se situe à la 6ème place. Ouais, ils sont derrière Rennes. Juste derrière Rennes, devant Nantes, Nice, Saint-Etienne. Ah, et du coup, ils sont passés devant. Et donc, Montpellier est en bonne position éventuellement pour aller chercher cette 5ème place. Ils vont jouer les 4 concurrents, ils ont leur destin même. Ça reçoit Saint-Etienne, ça va à Nice, ça va à Rennes aussi. Et ça prend les devants. Après, il faudra sans doute être un peu meilleur offensivement, parce que c'est contre les grosses équipes qu'ils ont du mal à marquer des buts. Trop de nuls au bout d'un moment, les autres vont marquer. Voilà, avec des nuls on n'avance pas. Donc est-ce que ça joue contre Nantes ou pas? Oui, je crois d'ailleurs aussi. Ouais. Parce que Nantes est en train un peu de caler aussi. C'est peut-être le bon moment pour les prendre. Mais après, Nantes, ça défend bien. Donc ça peut faire nul, ça, cette histoire. Ça peut faire un petit 0-0 encore. C'est deux équipes qui aiment bien défendre. Ouais, tu peux la cote. Après, Saint-Etienne réussit bien Montpellier, donc pourquoi pas. Non, après, ils ont de quoi faire au match aller. Mais ça faisait un petit moment. Ah bon, avant, c'est un petit moment. Bon, d'accord. Ouais, non. C'est moi qui. Attention là. C'est pas le même Saint-Etienne là, par contre, mon garçon. Ils ont le destin à eux, mais il faudra battre un ou deux. Même plutôt 2 que 1. Au moins 2 victoires alors. Ah, je les vois plus 8 que 6, moi, quand même. Hein. Honnêtement. Hein. T'aimes bien la 8-6 ouais. En tout cas, effectivement, Montpellier aura engrangé des points ces dernières semaines, avec donc 4 points pris lors des deux derniers matchs. On est venu chercher le point qui nous était acquis avant le début du match. Et c'était le point, je pense, qu'ils voulaient prendre à Marseille. Pas plus, pas moins. On peut noter qu'ils auraient pu faire le hold-up à la 90e. Exactement. Ah, mais c'est sûr que si tu joues avec Camara qui est à 10 cm de pousser le ballon au fond. Vu tête Marseille, si tu joues un peu plus finement les contres, tu peux. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on voit qu'ils ont acquis aussi. Donc. Ah là oui, bon, ça compense sur le match aller. Comme dirait Vincent, l'un dans l'autre. Ouais. sur cette belle conclusion pour le MHSC, passons direct au rugby et je laisse la parole à Paul. Passons à une vraie équipe qui gagne. Non, c'est pas vrai, j'exagère, je suis méchant. Plus offensif, plus offensif, on va dire. Qui marque plus sûrement. C'est le terme. Bien joué, merci Guillaume. Donc, 10ème victoire bonifiée sur 12 à l'Altra Stadium pour le MHR. Une statistique assez incroyable pour les Montpelliérains. La moyenne des 40 points a encore été respectée face à la belle équipe de La Rochelle qui, malgré son grand nombre d'absents, n'a jamais lâché le morceau. Une belle équipe de La Rochelle. En franchissant 6 fois la ligne avec un doublé de Jesse Mogg, intenable hier midi. Je crois que Romain peut-être va dire un petit mot dessus. Puis les essais de Bismarck Duplessis, Kélian Galtier, Louis Picamol et Nemanin Nadolo. Voilà, c'est plutôt des jolis mots, des jolis noms du rugby. Les Héraultais ont montré qu'ils étaient capables de très bonnes choses, même si parfois ils ont été coupables de quelques errements défensifs qui ont failli coûter le point de bonus offensif à la fin. Les Rochelais ont marqué un essai à la fin qui a finalement été refusé à la vidéo. Du coup, finalement, le score reste fleuve, quand même 40 à 24. Correct. Au final, c'est 5 points match, et une place de leader plus que jamais confirmée. Romain, tu étais au stade. On s'est vraiment régalé à l'Ultra Stadium. Oui, on s'est régalé à l'Ultra Stadium et c'est vrai que depuis quelques semaines, souvent, on se régale de plus en plus. Ouais, cette année, mais est-ce qu'on va se régaler en play-off ? Ça, c'est une autre question. On verra si on se régale en play-off. En tout cas, Montpellier est pour moi quasiment qualifié en demi-finale directe. Les demi-finales qui auront lieu au Groupama Stadium de Lyon, oui, d'ailleurs. On dure ça. Et donc, Montpellier qui engrange beaucoup Groupama de points. Groupama qui accueille plein d'événements. Il y a ça, il y a la Ligue Europa aussi. Ouais, la finale, ouais. Mais il y a de plus en plus d'événements. Ouais, c'est, on peut le dire, mais en tout cas, concert de Jay-Z aussi. Montpellier toujours perfectible, bien sûr, qui devra élever encore son niveau de jeu lors des matchs à élimination directe, c'est certain. Mais les derniers matchs, moi, je note le match contre le Racing, le match contre Castres et celui-ci contre La Rochelle, contre une équipe très joueuse. Alors certes, qui avait été amputée de certains cadres qui n'ont pas fait le déplacement à Montpellier, mais on a vu un splendide match. Et pourtant, Verne Cotter, l'entraîneur de l'équipe, s'est dit encore non pas insatisfait, mais voilà, il a dit j'ai encore beaucoup de choses à redire. Il est ambitieux au moins. Comment? Il est ambitieux, lui, au moins. Il a dit que c'était un bon match pour retirer quelques éléments, justement, de ce match-là. Ouais. Peut-être on passait au... J'ai juste une question, parce que plus ils gagnent, plus ils sont tranquilles en saison régulière. Bon, je parle en... Alors attention, c'est Verne Cotter, là, maintenant. Plus ça m'inquiète pour la demi, quoi. Je sais pas pourquoi. Sauf que là, tu as Verne Cotter entraîneur. Ça change quand même la donne, je pense que ça change quelque chose. T'as une rigueur. J'espère. Je pense que t'as déjà aussi appris de la saison dernière. Légèrement passé. Tu n'as pas disputé les phases finales de H-Cup, de Champions Cup. Donc tu seras peut-être plus frais que certains clubs. Et puis on a une équipe qui est encore plus solide et plus robuste que l'an dernier. J'ai tendance à être positif avec Montpellier, être optimiste. Malheureusement, peut-être pas trop comme équipe de France. Pour l'instant, ils joueraient qui en demi? Ce serait soit qui Ils sont qualifiés pour les demi-finales et je sais pas s'ils remportent le vainqueur du match qui opposera le 3e au 6e ou le 4e au 5e. Je sais pas. J'avoue que j'en suis pas certain. Puis surtout, c'est extrêmement serré pour le moment. Donc, il y a toujours une équipe qui arrive à sortir des barrages en plus. Donc, faudra vraiment voir ce que ça donne. Mais vous êtes optimiste quand même. Ok, ça me rassure. On passe au rugby féminin, le MRC. Qui s'est imposé face à Lille. Non, qui s'est pas imposé, pardon, match nul face à Lille, 17 partout. Et pas merci. Pas merci du coup. Les filles du MRC ont joué à une heure inhabituelle pour cause de retransmission télévisée. À midi exactement, contre Lille, donc c'était un peu en même temps que. Et que les hommes. Pour une fois, Cette confrontation entre le leader et son dauphin s'est soldée par un score de parité un peu flatteur pour les Héraultaises, au vu de la physionomie de la rencontre. Mais un match nul qui leur permet de finir à la première place de la pole avec 3 points d'avance sur leur adversaire du jour. Elles affronteront en demi en match aller-retour Blagnac. Je laisse la parole. Tous les aides. Je passe la parole à l'aéroport à d'ailleurs qui est à Blagnac. Et donc on en passe par le handball maintenant, avec une semaine qui a été finalement sans Lidl Star League chère à Yacine, mais aussi sans Coupe d'Europe. Mais j'en parle très brièvement malgré tout parce que la semaine d'avant nous étions pas là. Mais Montpellier a réalisé une performance majuscule en éliminant en Coupe d'Europe le grand FC Barcelone au Palau malgré une défaite. On l'a balancé. Insoutenable. Hein. On avait globalement. Il n'y avait que Bialès et Flo qui avaient annoncé l'élimination de Montpellier. Ouais. Flo qui était d'ailleurs. J'avais dit égalité et prolongue, c'est vrai. Non, t'avais dit défaite et élimination, sûr et certain. Ah bon? Ah oui, sûr et certain. Attends, on vérifiera tout ça à la vidéo. Je crois que j'avais dit moins 3 aussi et ils perdent en prolongation. Il me semble qu'il avait dit prolongation. Hein. Ouais, moins 3 pareil et prolongation, j'avais dit. Et ils perdaient par contre en prolongation. Ça sera confirmé. Hein. Okay. En tout cas, effectivement, Flo lui était présent au match et avait. Il y aura arbitrage vidéo. Était présent au match et lui avait annoncé l'élimination contre le Barça. Il n'en fut rien. Belle performance des coéquipiers de Diego Simonet qui n'ont jamais paniqué au cours de ce match. Non. Et une qualification qui a été donc liée à une défense qui a répondu présent avec notamment 0 but encaissé pendant 12 minutes au moment de ce match contre le Barça. C'est vraiment très très fort et donc statistique assez incroyable face à une des meilleures équipes d'Europe à domicile. Et à noter donc ce qu'on avait déjà annoncé à l'époque du match aller, la belle performance des Montpellierains mais aussi de Ludovic Fabregas qui rejoindra le Barça l'année prochaine. Et donc beau petit clin d'œil, il annonce la couleur pour la saison prochaine. Ça, Barcelone. Ouais. Donc ils ont Derzac, de, non, en Ludovic Fabregas comme coach. C'est Patrice Canaille. Patrice Canaille, le grand Patrice Canaille dont on a parlé. Effectivement. La concurrence. Et ensuite, donc, passons maintenant au basket. Les filles du BLMA, les gazelles, comme on les appelle. Ouais, pas de match ce week-end pour Adidas, le BLMA, mais les Montpellierains restent sur une victoire 79-59 face à Nice, acquise le 31 mars dernier, et reçoivent ce week-end Mont-de-Marsan. Ah oui, c'est, ouais, c'est moins glamour que les Spurs. Ça peut être moins glamour, Phoenix, mais ça vaut le détour d'aller voir au gymnase de Lattes. Ça respire un peu moins le basket. Pour ce qui est du... Attention, là, on va loin. Ah, je croyais qu'il était de Mont-de-Marsan. Concernant donc le futsal ensuite, le futsal dont Guillaume, je sais, attend des nouvelles toutes les semaines. Avec impatience. Et un résultat plus que positif, sachant que Montpellier s'est imposé, le MMF s'est imposé face à la Lanterne Rouge et Échirolle 10 à 3 et obtient 3 oh, points bordel, précieux. Ah oui. Belle tonne à domicile. Ils sont au classement, ils sont actuellement 9e au classement sur les 13 équipes engagées, donc ils sortent de la zone et de relégation. Et voilà, ils sortent de la zone de relégation finalement. Oui. Enfin, on respire. Il y a un match en retard de Bastia qui jouera le 28 avril et qui est juste derrière, mais Montpellier est quand même 9e sur 13, donc beau retour quand on sait qu'ils avaient des points de retard en début de saison. Concernant le volley ensuite, c'était le début des playoffs en Liga avec le début des quarts de finale aller, et Montpellier se déplaçait à Paris avec de fermes intentions. Malheureusement, ces intentions qui s'étaient vues pendant une bonne partie du match, puisque les joueurs du MVUC ont mené 2-7 à 1 avant de craquer et finalement s'incliner 3-7 à 2. Malgré tout, les coéquipiers donc de Jean-Patrick conservent leur chance de qualification, et s'ils s'imposent chez eux, une belle départagera donc les deux équipes, et on espère qu'ils vont évidemment y arriver lors de ce prochain match. Déjà un match qui était retransmis sur l'équipe 21 que j'ai regardé, qui commence bien, on mène un 7-0 assez rapidement. Ce sont les Parisiens qui égalisent un 7 partout, alors que les Montpelliérains avaient 3 balles de 7 dans le deuxième set. Donc c'était l'occasion de mettre 2-7-0. Je pense que ça aurait été autre chose. Ah ouais. Parce qu'après, ils ont, je pense, craqué physiquement. À noter aussi la grosse perf de Jean-Patry, qui a marqué 29 points durant cette partie. Donc belle performance de la part de l'international français. Ouais, effectivement, le Mavuc garde encore toutes ses chances de qualification et a montré de belles choses, mais c'est vrai qu'ils peuvent nourrir des regrets sur ce premier match. Ensuite, le Montpellier Waterpolo, il n'y avait pas de match pour le Montpellier Waterpolo ce week-end, et la prochaine échéance se déroulera à Tourcoing pour le dernier match de la saison régulière. Courage. Enfin, dernier sport sur lequel on va revenir, et celui-ci est d'importance. Je vous rappelle le beau sweat carboré Flo lors de la dernière émission, c'est les Vipers, le hockey sur glace. Et mauvaise nouvelle, malgré la bonne semaine de nombreux clubs montpelliérains, les Vipers échouent en finale de D2 de hockey, ce qui n'enlève pas donc leur montée première division, juste derrière la Ligue Magnus, on le rappelle, au terme donc de 3 matchs acharnés face à Chambéry. Les Montpellierains ont pourtant bien commencé en remportant le match 1, 3 buts à 2 à domicile, mais ils se sont inclinés au terme des deux rencontres suivantes. Et effectivement, pour l'avoir suivi, et Paul me l'a bien fait remarquer, c'est sûrement le match 2 qui va laisser le plus de regrets, parce que Montpellier menait 3-0 dans le match 2, donc était à deux doigts du titre. Finalement, au bout des deux premiers tiers où ils menaient 3-0, ils se font reprendre à 3-3 pour finalement perdre en prolongation face à Chambéry avec la séance de tir au but, donc il leur fut fatal. Donc 4 buts à 3. Ce craquage mental, il y avait Richard Gasquet dans les tribunes en plus, tu peux vérifier. À Chambéry, tu crois? Non, je rigole. Non, mais je me suis dit, c'est peut-être lié à ce craquage mental sur la fin. Ce serait fortement. Ça mérite un article dans la FFL, ça. Elle est dure. Et pour le dernier match, donc encore une fois, un combat acharné. On rappelle, premier match, victoire 3-2 de Montpellier, au retour, défaite 4-3 de Montpellier, et défaite donc dans le match 3 pour le titre à Chambéry de nouveau, qui avait l'avantage du terrain du fait des classements de la phase régulière, 3 buts à 2 à nouveau, et donc Chambéry est sacré champion de D2. Mais bravo aux Vipers, parce qu'on fait une belle saison et qui monte en division supérieure. Champagne. Et bien on a fait le tour, je crois. Si vous n'avez pas une dernière information montpelliéraine, je ne crois pas, non, sur nos sports montpelliérains. Et tout de suite, nous allons passer donc à nos débats de la semaine. Jingle débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et oui, ce n'est pas le débat de la semaine, ce sera les débats de la semaine. On va parler de trois choses, de trois sujets aujourd'hui, puisqu'on va parler sports. De Champions League, Coupe Davis et NBA. Trois sports différents, tout à fait. On va commencer donc par la Ligue des Champions. On a rappelé les résultats tout à l'heure. Donc, je le rappelle vite fait, le FC Séville a perdu au domicile contre le Bayern 2-1. La Juve a perdu contre le Real 3-0. Barça s'est imposé 4-1 face à Rome. Et enfin, Liverpool 3-0 face à Manchester City, alors qu'on a un petit problème technique dans le studio. Donc messieurs, j'ai une question à vous poser. Ouais. Quels enseignements vous tirez de cette journée pleine de rebondissements? Et est-ce que... Ouais, je vous laisse parler de ça, on verra la suite après. Moi je dirais dans un premier temps que y a quand même une grosse partie du boulot qui a été fait dès l'aller, dans le sens où au niveau des matchs retour, à moins de vrais rebondissements et de remontada, si on peut parler de remontada, a priori les scores devraient être figés. Je pense que Bayern va confirmer à domicile face à Séville. La Juve, le Real ne perdra jamais 3-0 à domicile à Bernabeu. Liverpool, je les vois tout simplement pas se faire sortir par City après avoir gagné 3-0. Et le quatrième match, j'ai un trou, c'est le Barça contre la Roma. Le Barça qui a gagné 4-1, donc c'est fait aussi. Pas de soucis non plus. Je pense que là, les clubs vont assumer leur statut et confirmer au retour. Et voilà. Vous confirmez, vous êtes tous d'accord là-dessus justement. En même temps, je suis obligé d'être incarné. un match où vous voyez un retour improbable possible. Ben, il y en a un peut-être. Peut-être. Je pense Manchester City. Non, c'est Bayern. Pourquoi pas? Faut qu'ils en mettent deux quand même. La grosse cote de Romain. Ah là, pareil, Dimitri peut te régaler. Ça aurait pu être la mienne, tu me diras. Alors c'est vrai qu'après, sur le match aller, ils ont fait un très beau match. Ils n'ont pas démérité, Séville, oui. Mais bon, ils ont quand même un cran dessus. Les favoris ont répondu présent, à part City qui c'est quand même la grosse surprise de cette phase aller. La Juve, ouais, on pensait pas qu'ils allaient craquer de cette manière-là. Benítez joue ou pas avec Séville? Oui, je crois. Ouais. Oui. Je suis quasiment sûr. Titulaire, voilà, c'est ça. Donc oui. Non, après voilà, c'est ce qu'on a annoncé depuis pas mal de temps. Real, Barça et Bayern. On risque d'avoir une finale 100% espagnole entre les trois. Vous imaginez pas Manchester City falloir remonter? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas marqué. Ils vont pas gagner 3-0. Moi, je les vois qu'on a vu. Les 4-1, ils vont sortir. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils gagnent déjà. Déjà, il faut qu'ils gagnent et sans prendre de but. Parce qu'on pensait qu'ils auraient leur défense, ils auraient pu psychologiquement peut-être aussi se rattraper face à Manchester United. Donc faut rappeler qu'ils menaient 2-0. Ouais, ils ultra dominent, je crois, la rencontre. Ils sont encore enfoncés en perdant en domicile 3-2, alors que Manchester United n'est pas forcément en grande forme aujourd'hui. Et Pogba qui. Bon, Guillaume, tu as fini, s'il te plaît, de finir mes phrases. Ah, avoue que l'expression était chinégale, celle-là. Ouais, ça va, c'est vrai qu'elle est pas mal, ouais. Je te la laisse. Donc, pour vous, a priori, pas de remontada de prévu. Très compliqué. Comme dit Thibault, le problème de City, c'est que ouais, ils ont pas marqué. Je vois Liverpool en marquer un, hein, parce qu'ils ont une attaque de feu, ils vont jouer plus libéré, ils vont être obligés de se projeter. Bon, Salah va encore marquer. Ils vont laisser les trous derrière. Après, ça dépend si Salah joue aussi, hein. Peut-être que s'il joue pas, il y a peut-être un peu plus de chance pour. J'ai eu les infos. Il sera là. Ouais. Non, après, même sans, je les vois marquer, mais c'est vrai que c'est peut-être la plus probable, celle qu'on attend le plus, c'est ce retour de City, mais il sera. Il est impossible. Très très compliqué. Moi, j'ai une pensée pour un joueur qu'on me parle en équipe de France, qu'on m'a tellement hypé pour l'équipe de France. La porte qui ne répond pas présent. Ouais, après là il joue arrière gauche, mais justement c'est à cause de Guardiola, mais il est droitier, joue arrière gauche. Voilà, c'est un naufrage collectif. Il fait pas un cadeau quand même. Ouais, là, ouais. Après il passe à côté du match, il doit marquer, mais il fait pas un cadeau. Mais qui ne passe pas à côté de son match contre Liverpool? Parce que même moi, De Bruyne m'a déçu. Devant Sané, seul c'est Sané, ouais. Sané, ouais, trop seul, trop, mais c'est le seul qui a essayé de faire des choses, quoi. Gabriel Jesus inexistant. Gabriel Jesus inexistant. Non, honnêtement, toute l'équipe de City, j'attendais pas à la voir avec ce visage là Moi, c'est ce que je pensais au départ, c'est cette équipe de Liverpool est un peu sous-cotée. Autant si le 3-0 avait été très sévère pour City, j'aurais pu laisser un petit suspense pour le retour, mais là, vu ce qu'ils ont montré, même après en deuxième période, il n'y a pas tellement un florilège. Moi, je trouve que limite leur deuxième mi-temps est plus impressionnante que leur première, parce que voir ce Liverpool arrive à gérer ce match comme ça. Pour ça que je vois pas City en mettre 3 comme ça à Liverpool sans que ils en mettent, quoi, c'est sûr. Et encore une fois, Cristiano Ronaldo qui a été époustouflant. Bon, après le but c'est pas non plus. Je vais regarder un peu. Non, mais tout le monde est capable, en plus pour ça j'étais pas surpris. Ce sera le meilleur objectif, gros. Non, même si je préfère Messi à Ronaldo, faut reconnaître que c'est du très très lourd. J'ai cru deux secondes que tu étais sérieux. Ah ben non, c'est impossible. Là, si t'aimes le ballon, elle peut pas. J'ai beau être supporter. Ça vaut pas le retourner de Jimmy Bruyant contre Nancy il y a 5 ans. Ah, faut le mettre, hein, c'est pas le même contexte, bon, mais. J'ai beau être supporter effectivement du Real Madrid, donc sans aucune objectivité, on est bien d'accord. Non, mais ce but extraordinaire. A été vraiment incroyable. La hauteur du geste, quoi. C'est... Et effectivement, revenons deux secondes peut-être sur ce. Moi, je fais ça, c'est direction l'apéro. Les gars. 20 séances de kiné d'ailleurs. On vous a perdu là. Sur ce match entre le Real et la Juve, personnellement, j'ai beau être derrière ce Real Madrid, je trouve qu'ils ont vraiment marqué les esprits parce que je n'aurais pas pensé le Real capable de gagner, en tout cas de gagner comme ça face à cette Juve. Le premier quart d'heure a été la clé. Je pense que la Juve s'attendait pas à avoir un Real aussi incisif. Ils ont fait un énorme pressing dès le début et la Juve a complètement raté son début de match. Ils ont bien réagi au bout d'un moment. Ils ont bien réagi, mais tu prends beaucoup trop tôt. C'est trop efficace en face aussi. Hein, Ronaldo, il est imbougeable. Si vous devez choisir entre le but de Rooney, je sais pas si vous en souvenez, son retourné. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je choisis celui de Ronaldo. Ouais, moi aussi, parce que celui de Rooney, il est plus avec le tibia. Mais je pense que celui de Rooney, entre guillemets, plus facile, entre guillemets, puisque c'est un ballon qui vient. Donc de son côté, vient du côté droit et il la remet de là où elle vient. Oui. Alors que Ronaldo va vraiment chercher le ballon derrière lui. Moi, je trouve que il est plus compliqué celui de Ronaldo. Mais je sais pas. Après, celui de Rooney est magnifique. Les deux sont magnifiques là. C'est deux gestes incroyables. On parle de l'or et du diamant. Hein. Mais oui, c'est clair. Mais ce qui change tout pour moi, c'est le fait qu'il soit capable de ramener le ballon qui partait dans une trajectoire opposée. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé, mais le centre de Carvajal est assez exceptionnel. Moi aussi, ouais. Les latéraux du Real sont capables d'apporter vraiment énormément offensivement. C'est le meilleur droit du monde, Carvajal. C'est le meilleur latéral gauche, Marcelo. C'est ce que je pense, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la meilleure paire de latéraux actuels en club et sans doute dans leur sélection. Jordi Alba. Ah, moi j'aime bien la paire du Bayern. Hein. Joshua Kimmich, Alaba, pas pour moi. Ah, je vois les matchs de du Bayern. Alaba, j'ai trouvé mieux à une époque. Hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Bayern, mais moi Kimmich, c'est pour moi c'est le plus fort à son poste. Futur meilleur défenseur, mais Alaba non. Peut-être déjà. En tout cas, effectivement, un but d'exception qui a vu cette victoire du Real Madrid et juste pour mon sentiment sur les clubs espagnols, contrairement à Dimitri, je considère que le Bayern a sans doute fait le plus dur à Séville au Sanchez Pizjuan, où ils ont laissé sans doute passer leur chance s'ils en avaient encore une, dans un match qu'ils auraient pu remporter. Continuer avec le foot, mais il y avait aussi la Ligue Europa. Et il y a un club français qui est encore engagé, c'est l'Olympique de Marseille, qui a perdu à Leipzig. Est-ce que vous croyez encore aux hommes de Rudi Garcia pour une possible qualification ou est-ce que ça va être compliqué ? Moi, absolument pas. Ah ouais. Vraiment, j'ai aucun espoir. Ça va être compliqué parce que j'ai au plus catégorique. Je pense qu'il va y avoir une énorme ambiance au Vélodrome. Je pense que ça va être un très beau match, mais je pense que Leipzig va être dans sa configuration parfaite. Dès qu'ils vont pouvoir lancer Timo Werner dans la profondeur derrière Camara ou derrière Luis Gustavo, même si c'est deux très bons joueurs. S'il y avait un coup à faire, c'était à l'aller pour moi. Voilà, c'est ça. Vu le match qu'il propose, pas marqué à l'extérieur. Il méritait de marquer à l'extérieur. Le problème aussi, c'est que c'est malheureux à dire, mais tu joues avec Pelé en barre. C'est juste pas possible. Il n'a pas le droit de prendre ce but. J'ai une question. Oui, Abdeno. Abdenour, c'est une question. On l'a vu dans une chicha à Marseille. Mais. Donc Mandanda sera pas là. Ouais. Adil Rami n'est pas là. Faut voir si Thauvin revient. Peut-être Thauvin, ça peut jouer. Adil Rami n'est pas là. Pas à 100%. C'est Rolando, je sais pas s'il fera son retour aussi. Ouais. Thauvin, on sait pas s'il reviendra. J'espère pour l'OM. Malheureusement, l'OM n'a peut-être pas aussi ses armes, potentiel. Ils ont les absents. Même on sent que Clavette est blessé quand même en ce moment. Je sens que depuis le match contre Lyon, ils ont quand même pris un énorme coup dans la cascade, ce 3-2. Et est-ce qu'il manque pas du coup un peu de leader aussi à côté de Marseille? Parce que Dimitri Payet est capitaine, mais j'ai l'impression qu'il est un peu capitaine par défaut. Le leader de Marseille, moi j'aurais dit Luis Gustavo. Il est bien fort depuis le début de la saison. Il a fait un match énorme. Mais je veux dire, dans le jeu, ça manque quand même après un milieu de terrain. Si tu le mets en défense, tu l'as pas au milieu de terrain. Voilà, c'est ça qui manque. Puis derrière aussi, c'est le compromis. Mais c'est le Vélodrome, c'est un stade particulier. Je pense quand même que Marseille. Et en plus, ce qui s'est passé ce week-end, je pense que Marseille va le faire. On peut y croire. Ouais. Mais après, on voit pas. C'est du. Je vois quand même Leipzig marqué là-bas, quand même. Écoutez, on verra ça. Attention à Timo Werner. On espère que l'OM le fera. Paraît-il, à suivre que Werner pourrait ne pas jouer du fait de l'ambiance au Vélodrome. Non, j'ai ça, vu ça non, aujourd'hui. Alors ça, je pense que c'est faux. Hein, c'est totalement un effet médiatique. Et il claque un doublé. Puis bon, l'ambiance au Vélodrome, c'est plus ce que c'était. Oui, parce que bon, le match qu'il a raté, c'était contre Beşiktaş, sans vouloir faire offense au public du Vélodrome, c'est quand même encore un cran au-dessus. Vu que c'était le stade où ils ont enregistré l'ambiance, en termes de décibels, c'est la plus grosse ambiance jamais enregistrée. Possible, il n'y a pas mal de chance. Bon, allez, sinon nous n'aurons pas le temps. On se régalera, j'espère, avec une belle paire d'Olympique de Marseille, même si ce sera difficile. Et on va passer au débat NBA, si vous voulez bien. Alors, mini débat, hein, vous en conviendrez malheureusement. Mais avec deux questions importantes. Et je vous pose la première, les gars, sur cette saison régulière et les playoffs qui arrivent. Toronto et Houston peuvent-ils confirmer leur statut à l'Est et à l'Ouest lors des playoffs? Et est-ce que les épouvantails du début de saison, du coup, les Cavs et les Warriors, doivent vraiment s'inquiéter? Bah, plus déjà les Cavs, hein, vu la saison régulière qu'ils font. Ouais, et puis même... t'as pas mal de blessés aussi. T'as pas mal de blessés. La saison qu'ils ont montré, quand même, je suis quand même plus inquiet par rapport à l'an dernier. Et les Browns est dans les clous là en plus. Les Browns, ouais. Le problème, c'est qu'il est toujours largement. Honnêtement, moi je vois personne à l'Est taper les Cavs en 7 matchs. Oui, après, voilà. Le Browns est tellement. Après, si c'est en mode playoff, je vois pas une équipe à l'Est capable de. Après, je les vois quand même en finale de playoff, hein, qu'on soit d'accord, mais je serais moins serein quand même. Oui. Non, c'est sûr, je pense pas que Cleveland soit l'épouvantail des années précédentes. Mais ils seront Philadelphie, je pense qu'ils manqueront d'expérience. Toronto, c'est une équipe qui est capable à tout moment de perdre son sang-froid et de prendre un 4-0 en finale. Donc je vois Boston, il leur manque leurs deux meilleurs joues. Je pense que les Cavs finiront en finale NBA. En finale NBA, ouais. Face, comme d'habitude. Au-delà de la conférence. Ah oui, moi je les vois. Vraiment, je vois aucune équipe à l'Est capable de battre Cleveland sur une série playoff. Moi, j'ai une hype, je vous dis, trust the process, parce qu'on parle de Ben Simmons, on parle de Joel Embiid, mais on oublie qu'on parle de Max Experience de Philadelphie. À Philadelphie, il y a des joueurs comme Bellinelli, comme Wedick, qui sont des joueurs d'expérience, qui sont des shooters et qui ont quand même la culture de la gagne. Je pense que c'est l'équipe pour moi qui peut poser problème c'est en 4 matchs. Les Cavs ont quand même plus d'expérience au niveau des joueurs sur le parquet. Et puis si LeBron est dans les clous et qu'il confirme et qu'il est dans ses stats actuels, c'est-à-dire à 30 points de moyenne, 9 passes, et je crois qu'il a 5 rebonds, un truc comme ça. Après, le secteur intérieur, on a dit que c'est le point faible des Cavs, alors que c'est le point fort. Si on a Joel Embiid, ça va dépendre. Je pense que c'est lui le facteur X. Après, le match sera intéressant si Joel Embiid est d'une forme optimale. Pourquoi pas? Ouais, faudra une. Il faudra qu'ils soient tous à 100% du coup. Et un Cleveland moins bien, mais à mon avis, sur les 4 matchs, ça sera dur. Les Sixers auront l'avantage du terrain, du coup. À l'heure actuelle, oui, mais bon, c'est pas fini. Ouais. Bon, ça ne pourrait pas poser problème pour. Et donc, de votre point de vue, effectivement, la hiérarchie de la saison régulière à l'Est sera pas forcément respectée. Non, moi je vois pas tout. Au vu de la dynamique playoff qui a rien à voir avec la saison régulière. Ouais, non, Cleveland sont trop bons. T'as des équipes après qui se mettent en mode vraiment playoff, qui sont taillées pour être vraiment une équipe phare en playoff. C'est le match qu'il faut. Cleveland en fait partie et Philadelphie. Un peu à l'image de Cristiano Ronaldo qui veut être prêt pour les quarts de finale de Ligue des Champions. LeBron James veut être prêt pour le. Le problème, Toronto, à chaque fois, ils s'améliorent. Cette année, il y a une meilleure rotation. Il y a eu des joueurs comme Van Vliet, comme Siakam, du banc qui se sont révélés. DeRozan et Louis ont partagé la gonfle avec les joueurs remplaçants. Mais le problème, c'est qu'en playoff, à chaque fois que les playoffs arrivent, les Raptors ne répondent pas à présent. Ouais. C'est ça qu'ils ont un syndrome. C'est vrai que ça arrive souvent. Et donc, finalement, à l'Ouest, quel est votre avis? Quelle est l'affiche peut-être qu'on peut retrouver en finale de conférence Ouest? Ça paraît globalement fait. Oui, il y a quand même. Il y aura un Houston Warriors. Est-ce que vous pensez que Houston peut battre les Warriors sur une série de matchs de playoff en finale de conférence? Ne criez pas victoire. N'annoncez pas trop vite en haut. Rockets Warriors. Je ne sais pas, vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end, Oklahoma City a gagné. Oui, ouais, mais attends, c'est la fin de saison, les équipes sont tranquilles. Ouais, justement. C'est comme la défaite de Houston. Alors que Thunder, ils ont faim, quoi, en ce moment. Le Thunder, justement, c'est avec les joueurs de caractère qu'ils ont. Faut pas oublier que le Thunder, s'ils perdaient ce match, ils étaient 9e de la conférence Ouest. Oui, ils jouaient leur vie. Là, ils jouent vraiment, leur vie. Ils sont 7e. Houston était en mode PSG. Mais le problème, c'est qu'ils sont 7e, mais qu'ils ont le tiebreaker négatif contre toutes les équipes. C'est ça. C'est-à-dire que s'ils finissent à égalité avec Denver, avec Minnesota, avec les Spurs, ils passent à la trappe. Toutes les équipes sont à 45 victoires, 35 défaites. Ça va être très compliqué. T'as la 3 ou 4 qui peuvent le jouer. Le Thunder joue sa vie jusqu'à la fin, c'est ça Denver problème. Bien encore. Ouais. Et les Spurs qui sont 6e, pas encore. Mais ils sont pas loin de la 4ème place. Ils sont pas loin des Blazers. Oui, c'est jouable, mais bon, c'est pas serein non plus. C'est rare qu'on voit les Spurs comme ça. En fait, j'ai deux équipes que je surveille à l'ouest là, c'est Minnesota et OKC. Oui, je pense. Parce que en playoff. Attention, parce que Minnesota, ils sont pas sûrs d'y être, parce que le dernier match, c'est Minnesota-Denver. Ouais, ça va, le match Denver couperait, va y être aussi. Mais Denver va jouer, ce match va être le... aussi, ouais. Donc attention. On y reviendra dans l'agenda d'ailleurs, que nous fera notre cher Guy. Mais bon, on est d'accord pour dire que pour l'instant, le Warriors-Cleveland, on le sent beaucoup. On prend pas de risque, ouais. Ouais, voilà, normalement. Je pense aussi. On voit pas non plus bouleversement. Je vois peut-être Houston faire un petit exploit, mais je sais pas. Ça va être compliqué, je pense. Sur les plusieurs matchs comme ça, je sais pas. Ça va être un gros match. Non, c'est l'affiche qu'on attend tous, mais effectivement, la saison régulière nous a permis de quelques surprises. Là, très rapidement, je sais que vous êtes capable de débattre, mais pour vous, du coup, quel va être ou quel devrait être le MVP de la saison régulière? Le MVP, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, sera James Harden. Ah oui, oui, ouais, oui. Il a la saison qui se fait avec Houston. Ouais. Oui. Et alors. Très rapidement aussi, je pensais qu'il y aurait sans doute éventuellement rookie, pas de débat, mais le rookie de l'année. Il y a un peu plus de débat pour le rookie parce que Donovan Mitchell fait quand même une vraie saison, il faut le reconnaître. Enfin, il met plus de 20 points par match, donc c'est quand même c'est quelque chose. Moyenne, mais Ben Simmons, c'est incroyable. Il marche sur le poulet. Il est plus polyvalent, il prend la lead, c'est énorme. En tout cas, effectivement, ça promet pour ces playoffs. Et je passe donc la parole à mon très cher fidèle compagnon d'animation, Paul. Oh là, j'ai peur au début. pour en terminer avec un petit débat Coupe Davis. Ouais, on va passer à la balle jaune, ce sera notre dernier débat de la balle orange, de la journée. La balle jaune, finalement. Du gros ballon orange au... La petite balle jaune, voilà. Donc, je sais pas si vous savez, mais il y a eu la réforme de la Coupe Davis. Donc, je vais vous rappeler vite fait ce que c'est. La réforme a été engagée donc par la Fédération Internationale de Tennis. L'idée est qu'en fait, la compétition se disputera sur une semaine en fin d'année. En novembre, En novembre, tout à fait. Donc, terminer les matchs en 5-7, les rencontres se joueront en deux manches gagnantes. 18 équipes seront engagées. En trois matchs, un simple. Je n'ai pas fini, Tim. Les matchs se disputeront sur terrain neutre et ce sera deux simples et un double par tour. Donc ce sera un peu un style à la Coupe du Monde, on peut dire. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ouais, c'est ça. Donc je vous pose la question, pour ou contre cette réforme? Moi je suis 100% contre. En fait, cette réforme, il faut comprendre que c'est 100% à cause du lobbying. C'est-à-dire que c'est la Coupe Davis, c'est un vrai problème financier parce que c'est pas assez lucratif. C'est aussi un problème de calendrier parce que c'est trop étendu dans le temps. Puis ça rapporte pas de points. Voilà, par exemple, à titre d'exemple, là, le quart était, on est au mois d'avril, la demi c'est en septembre. Donc c'est un petit peu incohérent au niveau du calendrier, c'est surtout surchargé parce que trop disséminé au cours de l'année civile. Et ils veulent mettre en place cette semaine parce qu'il y a plein de nations qui sont un petit peu en perte de vitesse et qui la jouent plus trop. Ça leur permettrait sur une semaine de se concentrer sur un événement et d'aligner les gros joueurs. Mais après, c'est le but vraiment, c'est de donner les plus gros gains aux joueurs et d'amasser le plus de fonds financiers. Est-ce qu'on a un regard qui n'est pas un peu aussi biaisé parce que ce modèle-là, ce format-là, nous convient à l'équipe de France? Parce que nous, toutes nos forces vives en général répondent présent. Ouais, mais après, ouais, je suis d'accord. Donc non, mais globalement là, tous les amoureux du tennis quand ils voient ça, non, je pense qu'il fallait la réformer, mais cette réforme là elle est un peu pour l'info, t'avais mieux à faire franchement. Déjà la fin du, je suis d'accord, pour réformer aussi faire les matchs sur terrain neutre, ça perd du charme de la Coupe Davis. Il y a un truc à jouer les matchs à domicile à l'extérieur. Alors pour l'info, c'est Gérard Piqué qui par son entreprise Cosmos s'appelle, je crois, a pour projet d'investir 3 milliards ou 30 milliards, dans 3 milliards je crois, de dollars ou d'euros sur 25 ans. Ou jusqu'au... Non, alors je confonds tout, je crois que c'est jusqu'en 2025. Ouais. Jusqu'en 2025. Donc investir 3 milliards d'euros pour justement redorer le blason un peu de la Coupe Davis. Rafael Nadal Novak Djokovic et Andy Murray ont défendu cette idée-là. Ouais, sans plus de est-ce que c'est pas aussi question financière, sûrement. N'empêche, surtout, ouais. Ça peut aussi relancer la Coupe Davis qui était un peu en perdition. Tout le monde maintenant s'en fiche un petit peu parce que voilà, les calendriers sont chargés. Ça n'a pas beaucoup de points au classement. Il n'y a pas de points même au classement ATP, je crois. Non, tu prends pas de points. C'est tout ça qui aurait été. Donc les joueurs sont de plus en plus concentrés sur leurs points ATP. Ah oui. Donc, est-ce que finalement, donc certes, c'est un charme qui s'estompe, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui pourrait naître avec justement cette idée de rassembler des nations mondiales sous leur maillot, sous leur bannière nationale, pour justement défendre ce titre? Ça pourrait être aussi un événement intéressant. Mais du coup, ça serait peut-être changer de nom en fait. Ouais, aussi, ouais. Mais apparemment, c'est sûr que la Coupe Davis ne va plus sembler comme ça. Le naming a d'ores et déjà c'est trop différent. D'après ce que j'ai lu tout à l'heure, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un compromis à trouver entre le fait de réformer la Coupe Davis, c'est sûr, et le fait de vraiment irradier totalement cette forme un peu ancestrale. Je pense que c'est bien dans l'idée de faire un événement un peu court, parce que c'est vrai qu'elle est trop étalée dans le temps, la Coupe Davis. C'est sûr. Mais par contre, faire ça en une semaine sur des matchs de 7 gagnants en 3 points, c'est-à-dire 2 simples et 1 double. Je vois pas comment tu vas créer un engouement tennis. Je comprends. Ça sera un engouement médiatique surtout. C'est ça, un engouement médiatique que les médias vont essayer, ils vont le survendre. Alors qu'au final, je suis sûr que t'as plein de gros joueurs qui la feront pas parce qu'ils vont dire cet événement, je préfère faire un match en exhibition à Dubaï et je prends pas de temps. Je pense qu'il y a eu un petit engagement. Si Nadal, Djokovic et Murray déjà ont promu un truc. Murray, il en fera libre. Djokovic, bon. Ça sera que pour le. Non, c'est vrai. Pour les supporters, quand on voit l'ambiance pour Espagne-Allemagne là, à Valence, c'était une ambiance de feu, alors que là c'était rien neutre. C'est ça la Coupe Davis, c'est un joueur moyen de ton pays qui est à domicile, qui peut se faire transcender par le public et qui peut renverser des montagnes. Là, en neutre, ça perd tout le charme de la Coupe Davis pour moi. Quoi. Et c'est Julien Benneteau qui a dit pourquoi pas, lui il a lancé l'idée, donc évidemment tout le clan français est contre, ou presque. Bah, lui il est malin quoi. Et Benneteau a dit pourquoi pas donc garder le format Coupe Davis actuel, mais sur 2 ans. Tous les 2 ans, pardon. Le faire tous les 2 ans plutôt que le faire sur. Ça, c'est pas si bête ça. Chaque année, je trouve pas ça si bête. Non, juste faire tous les 2 ans. Coupe Davis, tu l'as fait tous les 2 ans. Ah. Voilà, avec le format actuel. D'accord. Okay. Parce que c'est sûr, ce format sera adopté en 2019, ça c'est sûr. Ouais. Donc on ne connaîtra plus la Coupe Davis. Mais Benneteau, je me souviens, c'était il y a 6 mois, je crois que j'avais entendu ça. Parce que déjà, la Coupe Davis était un peu en crise par rapport au nombre de joueurs, etc. était remise en question. Donc je trouvais que c'était pas une si mauvaise idée de rarifier un peu justement la Coupe Davis pour retrouver un peu de sa saveur, mais bon apparemment ça n'a pas été entendu par les dirigeants du tennis. Je sais pas si Romain tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, j'ai observé la même chose. Ça pourrait être une bonne idée parce qu'on parle aussi dans d'autres sports de ce qui pourrait nuire au prestige d'une compétition, d'en avoir des compétitions qui se répètent vraiment d'année en année. Je pense au handball aussi où il y a toujours championnat d'Europe, championnat du monde d'une année sur l'autre. Peut-être mettre moins souvent cette Coupe Davis, une fois tous les 2 ans, permettrait de mobiliser plus. Après, je pense qu'il faut faire plus de travail de fond, notamment penser aux points ATP qui pourraient changer quelque chose. Il est clair et voilà, il faut en tout cas trouver des solutions. Mais cette réforme est peut-être trop brutale, surtout que la Coupe Davis est quand même une institution et là, on en perd toute sa saveur. Tout à fait d'accord. Bien, on a fait le tour à peu près de ces 3 petits débats. C'est peut-être une des premières dans l'émission. Jamais trop tard. Jamais trop tard, oui. Donc arrive le temps de notre deuxième pause musicale. Il est 20h25. On se retrouve dans 3-4 minutes après le son que nous a encore une fois proposé Tim, DJ Tim. C'est Bag Raiders, Shooting Stars. Voilà, tout à fait. À tout de suite. Là, tu me parles. We'll be right back. Et vous êtes toujours sur Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier. Il est 20h29 et c'était donc Back Raiders Shooting Stars, comme me disait Tim. Un son que tout le monde connaît, mais dont on connaît rarement l'auteur et le titre. Exactement. Important de rappeler. Et donc, tout de suite, on passe à notre parole est aux chillers, les gars. La parole est aux chillers. La petite rubrique fétiche de nos chillers, bien sûr. Un sujet par personne, ou plutôt trois sujets aujourd'hui. Et on va démarrer avec du sport auto. Il y aura d'ailleurs deux sujets sport auto. Et avec Jim qui voulait nous parler de Johan Zarco. Johan Zarco. De Bécane. Je le félicite pour sa deuxième place hier obtenue en Argentine. Donc c'est un garçon qui est en constante progression, qui réalise sa sixième première ligne d'affilée depuis la fin de saison. Et qui est sous une Yamaha non officielle, donc espérons qu'il continue comme cela et espérons que l'année prochaine, pourquoi pas aller dans une moto officielle pour espérer un top 5. Ouais, espérer peut-être plus de régularité encore, être capable d'aller chercher des grands prix. Je pense qu'il est même peut-être capable, je sais pas ce que vous en pensez, de le faire dès cette saison, mais capable de lutter après pour le titre. Ça, il a peut-être encore les armes avec le matériel qui est le sien. Et puis aussi, il y aura sans doute prime à l'expérience et certains risquent de revenir dans la danse très vite lors des prochains grands prix. Je pense qu'il y a de quoi être optimiste. Je passe mon âge. Il a moins de 25. Je crois qu'il est autour de 25 ans, voire peut-être un peu moins. Ouais, j'en dis moins, 24, je crois, mais je suis pas sûr. Attendez, je vais vérifier ça. Mais effectivement, il a déjà été champion du monde dans. En moto 2. En moto 2. Deux fois champion de moto 2. Comment dire, la casse bibon de la MotoGP. Donc, il était très attendu pour son arrivée en MotoGP, à voir jusqu'où il serait capable d'aller, et je pense qu'on peut avoir des bons espoirs pour lui par la suite. Alors on sait qu'il succède dans la catégorie reine chez les Français à Randy Depunier, mais qui n'avait pas sans doute le même potentiel. Donc espérons pour Johan Zarco des belles performances à venir. Oui, arrivé à l'âge de la maturité, je pense qu'il pourra jouer les premiers rôles, je pense. Et ensuite, donc, on continue sur les sports auto. Guy, tu voulais nous parler d'un autre coup de cœur, je crois, pour un pilote français dont on ne parle pas jusqu'à présent. Ça m'arrive. Ouais, heureusement, sinon je serais bien triste. Un français, heureusement, qui lui a relevé le niveau des pilotes d'F1 français, parce que c'est ce début de championnat un petit peu compliqué, notamment pour Enver Ocon, où on espérait un petit peu mieux vu la saison passée, mais qui a une voiture un peu plus compliquée, donc. Ça s'annonce pas très bien pour lui. Esteban Ocon qui a fait 10e. Et puis Leclerc et Grosjean ont fait 14 et 15. Donc voilà, un tableau qui était assez sombre pour les Français. Mais éclairci par la jeune révélation française Pierre Gasly, le Rouennais de 22 ans, qui pour sa 7e course quand même réussit à se hisser jusqu'à la 4e place. Auteur d'un très beau Grand Prix, il a souligné aussi la bonne voiture, la Toro Rosso, qui, on sait, depuis quelques temps progresse. Un bon moteur, le moteur Honda cette année, donc elle aspire à faire quelques bonnes courses comme celle-là, quand il y a les circonstances qui jouent, puisque les Red Bull à côté étaient out. Donc il avait quand même déjà fait des bonnes qualifs, donc ça lui a permis de pouvoir se hisser au plus haut et même arriver à un moment où on s'est dit, si Hamilton ne fait pas sa remontée... Il y a quelques chances de s'incruster un peu plus haut. Bon, déjà 4e place, c'est déjà très très belle, mais c'est vrai que ça nous a mis un petit vent de fraîcheur sur le début de saison français qui était très moyen. Là, ça nous a fait du bien parce qu'en plus, c'est quand même une sacrée perf à cet âge-là et avec cette écurie-là, même si j'ai dit elle est quand même en progression. Ça nous a fait plaisir. En plus, ça a été un beau Grand Prix à côté. Donc voilà, pour une fois qu'on a un Français qui se hisse à la 4e place dans ces circonstances-là, on va pas bouder notre plaisir. Puis c'est rafraîchissant. Et à côté de Ocon ou Grosjean qui sont déjà connus dans le plus expérimenté, c'est un vent de fraîcheur. Il prouve qu'on peut faire des grosses performances même avec une voiture sans doute moins performante que bien sûr que les grosses écuries. Et même sur d'autres grands prix où le pilotage sera très important, il est capable de rééditer en tout cas sur peut-être le pilotage. J'ai aucun doute sur lui parce que j'ai un petit peu suivi ses années précédentes. C'est un garçon qui a une grande maturité, même s'il a que 22 ans. Il a un pilotage très propre et même ambitieux dans ses courses. Un peu à la Ocon d'ailleurs, je pense que ça doit être une école française qui est dans ce style-là. Et voilà, si la voiture est souvent de cette qualité-là, ben, je pense qu'il peut gravir les échelons de la F1 petit à petit, et ça sera à suivre en tout cas. Et enfin, donc, les deux autres Français, il y en a un qui n'est pas français, hein, il est monégasque. Oui, Leclerc termine 14e. Ouais, c'est pour faire un amalgame à chaque fois. Et donc Grosjean 15e. On passe ensuite. Je suis inquiet pour Grosjean par contre. Un coup de gueule, ça aurait pu être le coup de gueule Grosjean sans doute pour Guy, mais parlons de football maintenant. Il l'a déjà fait par le passé. Avec le LOSC. Oh, oui. Ouais, bah, j'ai choisi le LOSC parce que je pense sincèrement que ce club va descendre en Ligue 2. Je vois pas comment ils vont pouvoir se maintenir. Fort probable. Et c'est bien triste parce que c'est quand même un club historique de la Ligue 1. On se rappelle qu'ils étaient quand même champions de France en 2011. Ça fait loin déjà. Je sais pas, c'est 7 ans. Moi, ça me paraît pas si loin. Ouais. Et là, de voir les dirigeants proposer un projet avec un énorme point d'interrogation, où je vois pas forcément de perspective d'amélioration, avec notamment les fonds de Gérard Lopez qui sont à l'image de Pénélope. Qui sont plutôt doutés, quoi. Voilà. Il y a eu cette tentative avec Bielsa, ça n'a absolument pas fonctionné. Bielsa qui s'en va un petit peu comme un escroc. Ouais, et puis le club l'a pas aidé aussi. Quand même. Le club ne l'a pas aidé, mais je c'est pas toujours le méchant. Je comprends pas le projet des dirigeants. Non, ouais, très mauvais choix. Là où je suis inquiet, c'est que je vois pas de perspective d'amélioration. Puis j'ai l'impression que le groupe, les joueurs sont. Ils ont lâché quoi. Ils ont quasiment lâché. Ouais. Non, mais déjà, quand vous voyez le recrutement, les joueurs, le recrutement déjà, tous les anciens à la poubelle. Les joueurs qui sont prêtés, j'en ai trois à vous citer. Sliti, Zeka, Dijon. Ouais, qui fait une bonne saison. Ouais. Qui sont titulaires à tous les matchs. Que des joueurs qui ont fait des bonnes saisons d'ailleurs. Et un futur lyonnais, Martin Terrier. Ouais, qui est prêté à Strasbourg. Et qui va aller à Lyon. Ouais. Et ouais, et après ils ont recruté en majorité des Sud-Américains, surtout qu'on sait que les Sud-Américains ils mettent quand même un temps d'adaptation à pouvoir s'acclimater à la Ligue 1. Pas encore arrivé. Bah, on peut penser devant Ezequiel Ponce par exemple qui jouait à Grenade et qui a été incapable de garder ce poste de titulaire. Moi, la grosse déception pour moi c'est Thiago Mendes. Ouais, alors qu'il a comme un taulier de Thiago Maia, non plutôt. Thiago Mendes fait quand même correct. J'ai confondu les deux, exact. Je voulais dire Thiago Maia qui est annoncé comme un taulier du championnat brésilien. Je vois pas du tout ce qu'il apporte. Après, certes, mais c'est pas le profil pour lui. Lille, t'as vu comme il joue. Honnêtement, un joueur comme ça en Ligue 1 avec Lille en plus, quoi. Pour moi, c'est impossible qu'il marche, quoi. Ouais, mais c'est. Puis, non, mais tu l'aurais Nicolas Pépé dans une équipe qui joue un peu au ballon comme Lyon ou Monaco, je veux bien. Ouais, je pense que c'est quelque chose. Mais après, c'est sûr que là, c'est comme le futur crack du football. Même Neymar, il ne s'impose pas libre. C'est impossible. Mais là, il n'est pas dans les bonnes conditions. Et en plus, il a un temps d'adaptation trop long. Et puis, le saut de ce week-end du gardien, ça m'a interpellé quand même. Surtout qu'en plus, Mike Maignan, il fait une saison horrible. Non, mais il y a eu des matchs, il a été correct. Ça a été souvent, effectivement, sur courant alternatif, mais en tout cas, on peut s'inquiéter pour le LOSC. Et le LOSC risque de terminer à la 19e place. Non, c'est le jeune. Coffee. À la 19e place qui Coffee est la leur actuellement, et je pense pas forcément non plus qu'ils seraient forcément capables de se sauver en terminant 18e. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les barrages. Barrage. Ouais, vu la confiance qu'ils auront, à mon avis, ça va être compliqué. Là, ils prennent à Lorient, ça sort. Hein. Ah oui, largement. 2-2. Et ce sera sans doute Ajaccio ou Nîmes ou Lorient éventuellement. Et Nîmes pour l'instant pas bien parti pour le moment deuxième. Exactement. Nîmes notamment avec deux joueurs, Alioui et Bozok, qui marchent sur l'eau pour l'instant. S'ils en passaient à Montpellier, c'est tout bon. Ouais, ça pourrait être intéressant, mais je pense pas que ça se fasse. Et surtout pas en vue de la saison prochaine. Ah non. Et bon, on en termine avec notre rubrique donc de la parole est aux chillers, et puis je vais repasser le micro de l'animation à mon cher Paul. Cher Paul qui est ici présent, qui nous a concocté un quiz des familles, ce qui va être assez tendu, je sens, et qui voulait me tester. Donc j'attends de voir ça, je suis pas au courant du contenu, je vous l'assure. Suspense. Pas de corruption, ouais, pas comme à la FIFA. Je vous l'assure aussi. Il y a des questions faciles, mais il y a des questions un peu plus rudes. Et des moyens. Ça, vous y verrez. Donc on passe tout de suite au quiz. Sport and chill, le quiz. Donc voilà Romain qui ne veut avoir aucune tentation et qui du coup se met loin de moi. Il pivote. Qui pivote du coup. Alors, première question, elle est de football. Question de rapidité. Est-ce que l'un de vous peut me rappeler le score de OM-MHSC en août 98? 5-4. Juste après la Coupe du Monde, et pourquoi est-ce un match si particulier? Il y avait 4-0 à la mi-temps et ça a fini à 5-4. Ouais. Donc qui était le plus rapide? Je ne l'ai pas saisi. Pas moi, ça c'est sûr. Pour le score, c'est moi. C'est Thibaut. Ouais, c'est Thibaut aussi. Ouais. Bah, Thibaut, un point pour Thibaut. Soyons sport. Soyons sport. Encore une question de football. Question plutôt facile. Comme vous le savez, aura lieu la Coupe du Monde en juin prochain. Comment s'appelle le trophée de la Coupe du Monde? Jules Rimet. Thibaut, deux points. Il est beaucoup trop chaud, le Thibaut. Tu dédicaces à mon stade de Sussargues qui s'appelle Jules Rimet. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est bon en plus. Le trophée de Jules Rimet, donc Jules Rimet, qui est ancien président de la FIFA et qu'il a été pendant 33 ans, de 1921 à 1954. Ça, c'est pour votre culture G, c'est cadeau. Voilà, c'est comme ça, je vous régale. C'est du gratin, ça. Allez, on passe, on enchaîne. Bon, pour l'instant, c'est Thibaut qui mène 2-0. Comme vous le savez, l'ASSE a failli créer l'exploit face au PSG. Depuis combien de matchs les hommes de Jean-Louis Gasset sont-ils invaincus? 10. 10. Non, pas 10 victoires. C'est 10 fois invaincus. 10 matchs, pardon, 5. Je l'ai corrigé. On va mettre un point pour les deux. Correct. C'est gentil. Vous l'avez dit en même temps, voilà. Merci. Ah, c'est l'arbitre d'hier. Merci, mon petit homme. Oui, heureusement. Donc, Guillaume et Romain. Bon, pour l'instant, une question assez facile. Oui, pour l'instant, ça. Qui est le champion de France? Allez, tour de table. Question golf. Ah, Tiger Woods a réalisé son énième comeback sur le circuit. Combien de titres majeurs pour l'Américain? Tour de table ou... On va faire... Oui, tour de table, ouais. Je me tourne vers Team. Guillaume. Team. Ah, ça Guillaume. Casse. Mon petit Guillaume. Allez, je vais dire une trentaine. Ça va. Entre 20, entre 20 et 50, s'il te plaît, gros. Ouais, non, allez, 38, quand même. 38, allez. T'as dit quoi, Jean? T'as dit combien? Ouais. Tu dis 38? 38, t'as dit. Ouais, je sais pas, c'est ambitieux. 38. Question? C'est combien le titre majeur de Tiger Woods? C'est beaucoup, oui. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc, 38 pour Guillaume. Dimitri, c'est ton tour. Pas de tennis. Pas impossible. Allez, je vais dire 15. 15 titres pour Dimitri. Ouais. Thibaut. Ouais, 23. Ah là, il est plus mal joué celui-là. Pour Thibaut. Ouais. Romain, à ton tour. Moi je dirais 17. 17 pour Romain. Et mon petit team. Je veux dire 18. Et 18. Pour team. Comme ça, je suis... Allez, scro. Eh ben, Guillaume, tu n'y es pas du tout. 14 titres majeurs pour Tiger Woods. Ah, il est nul en fait. Dimitri qui en est le plus proche. Oui, et puis il est surcoté ce Tiger Woods. Okay. Dimitri, bien joué. 14 titres majeurs pour Tiger Woods qui est 104e mondial. Question volée. Volée, rapidité. À voler. Qui a été élu MVP de la saison en Liga? LeBron James. On peut dire Jean-Pat? Non. Non plus. N'Gapet en Liga. Non, N'Gapet toujours en Liga. Ah, ouais, il est, c'est un attaquant de Chaumont. Ah d'accord. Ah oui, l'attaquant de Chaumont là. Ah je l'ai. Ah mais attends, Bosé non. C'est pas c'est un français. Je veux sur l'équipe de France. Non. Comment tu dis? C'est un français. Tu me régales. Oui, c'est un français. Crois-moi qu'il est en retraite. Non. Non, vous l'avez pas. Il s'appelle pas, il a pas le même nom que moi celui-là. Il a le même nom que toi. On l'a Boyer celui-là. C'est ça, c'est Boyer, tout à fait. Ah, Boyer. François Boyer. Oh, Stéphane Boyer. Boyer, attaquant de Chaumont et de l'équipe de France. Bravo. Un point Rome. Pour Romain. Question assez difficile, c'est bien joué. Ah là oui. Question rugby, rapidité. Je pense que Romain part avec une petite longueur d'avance. On peut faire le break là. À qui appartient le surnom de Casque d'Or? Rive. Et c'est Thibaut qui l'a réussi, qui a raison. Bien vu. Jean-Pierre Rive, l'ancien troisième ligne international français dans les années 70-80, réputé pour sa crinière blonde et ce fameux match face au All Black le 14 juillet 79 et son visage ensanglanté. Une crinière blonde dans les années 60, fallait le tenter. Hein. Ouais. Ah, il devait être le seul par contre. Hein. Oh, écoute, tu exagères un petit peu. Pas le guingamp, le seul. Donc c'est Thibaut qui repasse devant. J'ai demandé à Paul points. De faire le quiz tous les lundi, moi. C'est Vettel Bottas. Il est en mode playoff. Hein. Question. À la mode Kikadi un peu, on se croit sur RMC mais nous on s'en fout. Donc qui a dit avec le projet de réforme on tue la Coupe Davis? Yannick Noah. Ah, non, c'est... pas Yannick Noah. Pouille, Lucas Pouille. Non, non, pas Lucas Pouille. Il a été capitaine de l'équipe de France. Yvan Géjol. Non. Clément. Ton gars. Arnaud Clément. C'est Arnaud Clément, bien joué Dimitri. T'as l'opportuniste quoi. Rapace. Et oui, Arnaud Clément, ancien Arnaud capitaine Raoul. De l'équipe de France. Mahu aussi l'a dit. Mauresmo, Lucas Pouille ont également défendu cette position. Quoi. Question à qui suis-je? Coordonnées. Je suis né le 29 mars 1987 à Wigan. J'ai longtemps hésité entre le rugby à 13 puis le rugby à 15. Je commence d'abord par le 13 avec les Wigan Warriors. Ashton. Non. Oh putain, bien joué Dimitri. Bah, mais oh mon Romain, Dimitri, il a tiré l'air sous pied là. Il y en a deux, il challenge sur le rugby. Il y a un niveau là, moi je me sens. Je change de cap pour me mettre au 15 en 2007. Puis je m'engage avec les Northampton Saints. Je deviens international. Bien Guillaume, bien joué. Lors du tournoi des nations 2010, je compte aujourd'hui 39 sélections avec mon équipe nationale. En 2012, je rejoins les Saracens. Les Français n'aiment pas, sûrement agacés de mes H-plash dans leur but lors des fameux crunch. Aujourd'hui, ils m'apprécient un peu plus depuis mon arrivée sur la rade en août 2017. Surtout que j'ai égalisé le record du nombre d'essais de Napoline Nalaga à ses 21 réalisations. Je suis ailier, je suis anglais, je suis Chris Ashton. Je l'ai mauvais, c'est que suis-je qui suis-je, pardon. Juste avant Peter Sagan, j'étais le dernier vainqueur de Paris-Roubaix avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules. C'est Bernard Hinault. C'est Bernard Hinault, tu as raison. Ah, c'est cadeau ça. L'hirondelle. Est-ce que tu saurais me dire l'année ? 1981, non ? Bravo, mon petit Romain. Rien à dire. Romain roulé, voilà. Faut pas faire que les petits. Question pas, culture générale. C'est le Allemagne-Brésil. Deux questions en une. Qui est le recordman du nombre de matchs en Ligue 1? Comment? Attends, j'ai pas... Benjamin Nivet? Non. Ah non, c'est... Quoi? Julien Ferré? Non, non, non. Michael Landreau? C'est Michael Landreau. Ah mais putain, mais oui. En plus, on a déjà fait cette question. Et du coup, je vais faire un tour de table. Combien de matchs en Ligue 1 pour Michael Landreau? Je commence avec toi, Tim, t'as l'air chaud en plus. Ouais. 445. 445 pour Tim. Mon petit Romain, à toi. Plus, non. J'en ai aucune idée, en fait. Je m'en rends compte. Dis-toi qu'il a commencé, je crois, en 96 et il a terminé en 2014. Mais moi, je pensais plus de 2000 personnes. Ouais, moi aussi, j'aurais dit au-dessus de 1000. T'aurais dit au-dessus de 2000. 2000 matchs. 2000 matchs. Pas de 2000. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, Kem. Ouais, les gars, ça fait beaucoup énorme. Là. Sans aucune blessure. Sans aucune blessure. Je suis plus sympa que Flo, mais c'est pas 1000. Je dirais 680. 680 pour Romain. Ouais, 800. 800 pour Thibaut. Dimitri. 200. Dimitri, pas beaucoup, mais tu vas voir, il va dire le bon chiffre. 480. 480 pour Dimitri. Il a un filon, je le tue. C'est un peu chaud. Je rappelle Michael Landreau. Combien de matchs en Ligue 1? 650. 650 pour Guillaume. Proche-moi ça. Et c'est Guillaume qui a raison. Guillaume qui se rapproche le plus. Thibaut, tu as peut-être un petit peu exagéré là avec les 800 matchs. Ouais. Non, c'est 618 matchs exactement pour Michael Landreau qui a le record. Ah, je suis dans la 600e. Pas si loin, moi. Donc, Guillaume, Tim, t'es pas forcément en grande forme. Ouais, non, en dedans quoi. Ça va, mon losque ? Un peu moins bien que même fils de. Allez, prochaine question, question un peu plus longue. Allez, ça sera un tour de table à élimination. Citez-moi les 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2006 en équipe de France. Oh, les belles celles-là. Et je commence par. Bah, tiens, Thibaut, t'as l'air chaud. Allez, à toi. Hey, Fabien Barthez. Fabien Barthez, je dis oui. 2006, c'est quoi? C'est l'Italie? C'est moi le suivant, du coup, c'est Dimitri. C'est Dimitri. Attends, mais je suis. J'ai un trou de mémoire. Allez, je vais dire. Ribéry. Oui, Ribéry, c'est bon. Zidane. Voilà. Zizou. Ouais, je valide. Attends, t'as dit 23 sélectionnables. Les 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde 2006. Vira. Patrick Vira, je valide. Patrick Vira. Patrick. J'en ai un. William Gallas. Oui, William Gallas, ouais, défenseur central. Thierry Henry. Thierry Henry, oui. Je laisse les Dimitri, à toi. Patrick Vira. Patrice Evra. Déjà dit. Et non, Patrice Evra n'y est pas. Non, j'ai dit Vira. Ah, Vira, je suis bête. Et Dimitri, tu es éliminé. Allez hop, merci pas de Patrice Evra. Allez, c'est dehors. Attendez, je vérifie quand même. Non, pas de Patrice Evra. Voilà. Guillaume. Claude Makélélé. Évidemment, Claudio était là. Sagnol. Pourtant, celui-là. Willy Sagnol, tu dis Willy Sagnol. Non. Quoi? Oh, c'est Munich! C'est pas vrai, une blague. Je veux dire, malin quand même pour te faire derrière droite, tu tues. Ah, ça aurait été puni. Romain, à toi. Oui, tremble. Oui, tremble. Oui, il est passé là, Romain. Ah, ça va glisser sur penalty là. J'ai l'impression que je m'emballe. J'allais dire Florent Malouda. Oui. Florent Malouda, bien sûr. Florent Malouda, le Lyonnais. David Trezeguet. Je me mélange un peu. David Trezeguet. Et on se souvient de ce super penalty qu'il avait mis sur la barre. Dimitri, non, tu es éliminé. Ouais, Guillaume, à toi. J'ai pas compris le pénalty sur la barre. Hein. Bah, Trezeguet en 2006. Trezeguet en 2006. Ah, quelqu'un, j'ai cru que tu parlais Malouda, je comprenais pas. Non, Trezeguet. Sorry, guys. Ouh, Guillaume, là, il a le regard perçant. Il est en train de réfléchir. Tu as 3 secondes. 3. Attends, pas de décompte, s'il te plaît, grand. 1,5. 1,25. J'ai dit une bêtise, je crois. 0,5. Je pense que c'était la tête du mec qui a dit une connerie. Mandanda ? Tu es éliminé. Merci. Putain, pourquoi j'ai dit Mandanda ? C'était Greg Coupé, le second gardien. Ah oui, putain. Ou Greg Coupé. Du coup, Greg Coupé. Bien joué. Du coup, bien joué, là. Attends, Romain, à toi. Ah putain. Il y en a un. Il y a des noms aussi un peu improbables. Ah ouais ? Ah oui. Putain, j'ai. Ah, mais il y avait Shibonda, non ? Eh oui. Il y avait Pascal. Eh oui, on l'a vu. C'est improbable, ça me vient de Pascal direct. Shibonda. Lilian Thuram. Putain, c'était celui que j'avais. Bien sûr, Lilian Thuram. Tim, à toi. J'ai un petit doute sur celui-là. Non, quoique, si c'est. Non, il se blesse avant. Non, il se blesse juste avant. Il y a Djibril Cissé éliminé. Je suis deg. Tim, tu ne marqueras pas ton premier point. Du coup, un duel entre Romain et Thibaut. Je vous écoute, messieurs, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Et la place, hein. Et la place. Et j'avoue, ça commence un peu à se compliquer. Ouais. Oh, je suis en train de caler. Allez, messieurs, Romain. Je me cherche mon défenseur. Je suis à 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Au pif. Dis quelque chose au pif. Je cale complet. Johan Gourcuff. Oulala, non. Non. C'est pas 2006. Non. Ah, 2010, ouais. Dans mes souvenirs, il devait y avoir Sylvain Wiltord, Alou Diarra. Attends. Si tu m'en cites. Si tu m'en cites 7, je te file 2 points. Alors. Sylvain Wiltord, Alou Diarra. Ouais. Eric Abidal, je sais pas si on l'a dit. Oui, Eric Abidal. Non, on l'avait pas dit. Sidney Govou. Sidney Govou, ça fait 4. Ah, où Govou, j'ai pensé au niveau. Ouh, là, tu te rapproches. Il y en a un, il est improbable. Et Monégasque. Il te manque un gardien déjà. C'est cadeau celui-là. Non. On a dit Coupé, on a dit Barthez. Tu dois l'avoir, c'est la Mantibo. Je l'ai vu, Gourcuff. Un Monégasque. Je suis en train d'y penser. Après, Monégasque. J'avoue qu'il y en a 2006. Quelques-uns. Bon, je t'ai dit 4. Un Monégasque, ouais. Thibaut. Ah, oui. Si tu m'en cites encore 2, je te valide 2 points. Qui c'est qui a mis ? Allez, vas-y. Non, il faut qu'il y en ait encore 2. On en a parlé tout à l'heure. Je t'ai donné un indice là. Tu peux donner les postes, au pire. Allez, vas-y. Il te manque un numéro 6. Il te manque un gardien, je te l'ai un dit. Un gardien, mais. Je t'ai dit, on en a parlé tout à l'heure. Je vois pas qui c'est qui est resté. Ça fait beaucoup d'infos là qu'on te donner. On en a parlé tout à l'heure, il est gardien. Bon, la Mac. Ah, Michael Landreau. Michael Landreau. Ah, ben. C'était cadeau ça. Vas-y, allez. Et bon, allez. Monégasque, j'y arrive pas. Ouais. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je vais perdre les 2 points, messieurs. Il va caler sur le monde. Ouais. Ouais. Il en a quand même cité 4. J'y vais, je vais t'accorder 2 points, ça marche. Bon, alors, je vais terminer ça. Ah, bah oui. Pas de Samir Nasri. Béni. Alors, nous avons Jean Laboumsong. My goodness. J'aurais jamais pensé celui-là. Nous avons Mickaël Sylvestre. Ah, celui-là aussi, il était encore là, quoi. Encore plus improbable, nous avons Gaël Jivé. Celui-là, il fallait Jivé. Avec ce bouc satanique, ouais. Nous avons Vikash. Ah, mais oui, il fait le film. Et c'est lui que j'avais le plus oublié, mais c'est un joueur que vraiment. Louisa. Oui, ah ouais, petit Louis, petit Louis. Mais que fait-il là encore? Il y a encore quelqu'un volant là-bas. Petit protégé de Fergie. Oh là. Bien, et du coup, Thibaut se détache un petit point. Tim, il est en forme ce soir. Il est resté neutre. Guillaume, 2 points. Romain, 3 points. Dimitri aussi, 3 points. Et Thibaut. Thibaut fait une échappée. Thibaut s'échappe avec 6 points. Oh, une échappée là quand même. Rapidité. Combien de buts au total pour Cristiano Ronaldo en Champions League? 116. 12. Alors, en tout, je parle cette année ou. 12. Ouais, c'est non, c'est ouais, ouais, ouais. Un tout. Combien tu dis, toi? Dans l'histoire ou. Ouais, dans, son... ouais, dans l'histoire. Ah, okay, 116. Okay. Combien? Non. Non? Éliminé. Ok, d'accord, c'est. C'est une saute, quoi. Non, j'exagère un petit peu. Donc, t'as le droit, t'as toujours pas marqué de points, du coup, je t'autorise à revenir en jeu. Oui, 119, tu as raison. Ah. Non, mais ça compte pas là. Bah, si, ouais. Du deuxième coup, l'aviez pas. Pour l'honneur, je le sens. Et nous, on sautait aussi, on aurait dit. Non, mais continue. Toi, tu m'aurais dit 70. Non, j'aurais dit 120. Donc, c'est Ronaldo qui est le meilleur marqueur de buts en Ligue des Champions dans l'histoire. Mais si, je suis là, c'est. Il a combien? Il est à 114, je crois. 108, non, pas loin. 108, il me semble. Ouais, je sais plus, je l'avais vu, je me souviens plus. Il a bien 10 unités de retard, il me semble. Bonus, c'est ça. Quel est le français à avoir marqué le plus de buts? Benzema. Karim, ouais. Benzema. Karim Benzema, 51, non 53. Et le dernier, il date de 2013. Qui me marque de points des buts. Qui est, alors, rapidité, qui est le recordman de buts en Coupe du Monde de football? Ronaldo. Thomas Müller. Thomas. Non, Ronaldo. Miroslav Klose. Vous êtes loin, messieurs. Ronaldo, vous êtes très loin, messieurs. C'est bien plus vieux. Fontaine. Ouais. Ah non, mais sur une édition. Ah oui, sur une édition. Encore pour le nul. Ah oui, sur une édition, oui, c'est ça. On avait tous compris sur l'histoire. Oh, pardon, excusez-moi. C'est une grave faute de ma part. Sinon, on l'avait tous, je pense. Oui, je pense. Ouais, ouais, vous l'avez tous. Ouais, ouais, juste Fontaine. Ouais, avec 13 buts. Bon, il faut que j'essaie de trouver une question pour me rattraper. Qui suis-je? C'est la dernière question. Time. Combien de points? 3. Un point. pas de non, non, en gros, il y en a un qui a gagné. Quoi. Non, si, deux points. Président dans tous les cas, Thibaut a gagné. Thibaut, dans tous les cas, tu as gagné. Si quelqu'un a deux points, parce que comme ça, Tim, Guillaume, Romain et Dimitri peuvent disputer la deuxième place. Européenne. Qui suis-je? J'ai fait un énorme sacrifice financier pour rejoindre mon nouveau club. Ah, avec qui j'ai marqué deux buts dès mon entrée en jeu? Zlatan Ibrahimovic, Dimitri. Ouais, énorme sacrifice. Ouais, je suis pas sur le sacrifice financier par contre. Non, second degré. 1 million d'euros par an au lieu de 13 millions au PSG. Ah, quand même, ouais, c'est donc vrai. Donc, c'est. Ah oui, j'ai dit non, finalement. Ouais, c'est comme sûr. 13 fois moins. Ah, oui, oui. Donc, voilà. On va pas le plan non plus. Hein. Je vais essayer de trouver une question subsidiaire que je peux connaître. Ou elle est facile. Ou elle est facile. La rapidité, il va falloir aller très vite. Où s'est disputée la première Coupe du Monde? Un Uruguay. Ouais, Uruguay. Bah, c'est Thibaut. Bip bip. Ouais, allez Thibaut. Et Thibaut, largement vainqueur aujourd'hui de ce quiz. Thibaut avec 7 points. Congrats. Dimitri, 5 points. Romain, 3 points. Et Guillaume et Tim, 2 points. Les cancres au fond de la classe. Ouais, comme d'hab. Hein. Les historiques de Sporting Chi n'étaient pas dans le coup. Les rebelles. Non, pas mais écoutez, pour les c'est... Ouais. Oh, t'es voilà. Dur, celle-là, pour moi. Oh bon, oui. Mais écoutez, ce quiz est terminé. Pas mérité. Est-ce que ça vous a plu ce quiz? Félicitations à Thibaut, quand même. Oui, félicitations à Thibaut. Merci, merci. Et beau bon quiz. Bravo pour l'organisation. Très beau quiz. Bon, bah tant mieux. Bravo, c'est éclectique, hein. Très l'image de cette émission, d'ailleurs. Oh, oui, ouais. Tu as raison. Même ce mot, je ne l'ai pas compris. Romain, je t'invite à venir annoncer l'agenda des prochaines semaines. Jingle, agenda, je sais pas s'il y en a un. Non, il n'y en a pas, voilà. Tom me Sport and Chill, l'agenda de la semaine. Merci Tim. Sport and Chill, l'agenda. Merci Tim pour ce magnifique jingle. Et donc un petit agenda. Alors je laisserai la parole à mes collègues sur les agendas qui les concernent plus directement. Mais on va commencer par le football très classiquement, avec quelques bons matchs, on peut le dire, qui nous attendent cette semaine. Déjà les quarts de finale retour, que ce soit en Ligue des Champions et en Europa League. Nous aurons mardi l'AS Rome contre le FC Barcelone au Stadio Olimpico. Le retour à l'Etihad Stadium de Manchester City, entre Manchester City et Liverpool ce même soir. Mercredi à 20h45, deux bons matchs de football également, avec un Bayern Munich FC Séville et un Real Madrid Juventus Turin, le classique des classiques de la Ligue des Champions à Santiago Bernabéu. Ah, côté Europa League, jeudi, quatre matchs aussi où la tendance est un peu affirmée, hormis sur le match de Marseille, mais affaire à suivre. Olympique de Marseille contre le Red Bull Leipzig, jeudi à 21h05. Ensuite, un Sporting Portugal Atlético Madrid. Un Salzbourg Lazio Rome et enfin un CSKA Moscou Arsenal. Concernant les autres bons matchs de championnat qu'on aura cette semaine, à noter quand même un Tottenham Manchester City qui sera à suivre et qui sera le match peut-être enfin du titre pour Manchester City face aux londoniens de Tottenham. Probable ou pas. C'est à Tottenham quand même, il me semble. C'est le match. À Tottenham. Donc attention. Ouais, donc ouais, vu la forme du match. Il y a quand même un match week-end en Serie A pour Yacine. Oui. Milan-Napoli. Non. Si. Mais pour Yacine, il y a Milan-Napoli, on peut le dire. Mais il y a un derby romain, c'est ça que tu voulais dire. Un derby romain. Mais je pense qu'il sera plutôt devant Milan AC Napoli. Un derby connaissant, oui. Un derby romain entre la Lazio et l'AS Rome. Un duel aussi en Bundesliga pour la seconde place entre Schalke et le Borussia Dortmund. Derby de la Rome. Et puis dernier match que je donne, comme ça, pour la Liga, avec un FC Barcelone, FC Valence, qui sera suivi, même si Valence est un petit peu lâché. Il y a Séville-Villarreal. Et dès ce soir, disons tout, il y a un Villarreal Athletic Bilbao, bon, même si Bilbao n'est pas dans la saison de sa carrière. Concernant l'agenda Ligue 1, je le fais rapidement, Tim, ça te dérange pas. Des grosses affiches, hein. Un Angers-Nice pour ouvrir. Angers-Nice, ils sont dans la télé, les gars. Pour ouvrir la journée vendredi à 21h. Et puis ce match. Tokoe Kambi et Pléa, c'est bon, c'est magnifique. C'est bien. Attention à Tokoe Kambi. C'est bien offensivement, mais je pense qu'au vu des autres matchs que j'ai cités, les gars, on aura effectivement mieux pour les équipes du podium. L'Olympique Lyonnais jouera Amiens samedi à 17h, 3 Marseille dimanche à 17h également, mais donc le lendemain, et Paris-Monaco comme le disait Thibaut, pour jouer le titre, ce serait symbolique, la passation de pouvoir peut-être au Parc des Princes. Je vois bien le PSG corriger Monaco là. Les gars, Montpellier, les Montpelliérains joueront les Girondins de Bordeaux à La Mosson dimanche à 15h. C'est faisable, hein, faut Petit le faire. Nul encore, ça, tiens. Je passe la parole à Paul pour nous donner les affiches rugby et top 14 du week-end prochain. Tout à fait, top 14 avec une belle affiche qui sera au Vélodrome d'ailleurs. Ce sera Toulon-Montpellier, donc en ouverture de la. Je sais plus combien de journée. 24e journée entre Toulon et Montpellier. Donc Clermont-Bordeaux, Oyonnax-Brive, Pau-Agen et Lyon-Stade français. Et le dimanche, je crois qu'on a un joli La Rochelle-Castres et enfin un superbe. Stade Toulousain, le Racing face au Racing, donc un match entre le deuxième et le troisième. Un match qui permettra peut-être de savoir qui jouera effectivement la demi-finale directe. Et pour Montpellier, à noter que le match sera au Stade Vélodrome, ce qui va ravir les supporters olympiens pour l'état du terrain après ce Montpellier-Toulon. En Lidl Star League, donc de handball, Dunkerque recevra Nîmes mercredi à 20h. Montpellier se rendra à Tremblay en France mercredi 20h30. Et Paris, enfin le choc de cette journée, recevra Nantes jeudi à 20h45 pour un match qui peut coûter cher dans la lutte au titre, à savoir que le Paris Saint-Germain handball est revenu à 2 points de Montpellier. Je n'ai pas les affiches sous les yeux, mais ce week-end il y aura également de la Coupe de France de handball. Paris jouera face à Chambéry, je crois, enfin peut-être grosse pas semaine. Parce que c'est un Final Four, donc c'est possible qu'il y ait une ville haute, ça je ne le sais pas. Et Montpellier jouera contre Nantes. Concernant le cyclisme, début des classiques ardennaises, on passe donc classique flandrienne aux ardennaises vallonnées avec la flèche brabançonne dès mercredi, l'Amstel Gold Race dimanche et les manches de Coupe de France qui vont vous faire rêver ne serait-ce que par leur nom, Paris Camembert mardi et le Trobro-Léon dimanche, mais il y aura quand même l'Amstel Gold Race en même temps, ça vaudra le coup. Passons au basket avec la parole à Guy, et puis si je vois qu'il m'oublie un petit match, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Oh non, ça risque pas. Mardi, j'ai un Celtics Wizard et un Warriors Utah Jazz. Dans la course au playoff, j'ai un Pelicans Clippers et un Portland Nuggets aussi qui est sympa, et aussi j'ai mercredi j'ai un Bucks contre Philadelphie et un Nuggets contre Minnesota, toujours dans la course au playoff. Un petit Spurs Pelicans aussi de la même soirée. Il y a aussi un Hits Raptor jeudi. Et dites précision, les playoffs commencent samedi. Dès ce samedi. Donc effectivement un beau programme à venir. Un Nuggets côté basket. Team très très rapidement parce que nous sommes très en retard. Ça va aller tennis. Vite, hein. Tu veux du tennis à mon avis vous pouvez éteindre la télé cette semaine parce que j'ai noté que des petits tournois. Il y a Marrakech 250 sans vraiment tête d'affiche. J'ai noté en affiche le duel 100% français Benoît Paire contre Gilles Simon. Match impronosticable au passage. Ça, c'est et dur, après ça. En match WTA j'ai Bogota. Et il y a aussi Houston aussi en 250 chez les hommes. Houston et Lugano, ouais, j'ai noté. Pas une grande semaine. Concernant le volet, donc retour de playoff, Montpellier recevra Paris samedi, donc 14 avril à 15h15. Enfin, en bref, les derniers événements de cette semaine, le Grand Prix de Chine de F1 dimanche prochain, la manche de surf, on en parlera un peu plus dans les prochaines semaines, de Margaret River du 11 au 22 avril, les championnats du monde Superbike en Aragon, en Espagne, du 13 au 15 avril le week-end prochain, et enfin, en cours, les Jeux du Commonwealth d'athlétisme tout au long de la semaine. Et puis maintenant, je laisse la parole à Paul, peut-être pour nous lancer sur les pronos de la semaine. Les pronos, mais alors dépêchez-vous, donc je vous dis ça en 2 secondes. Olympique de Marseille, Leipzig. Tim, c'est à toi, je te demande de me dire vite ton prono. 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. À toi, Thibaut. Un partout. 2-0. Dimitri. 2-0 pour Marseille. Ah ouais, d'accord. 2-0 Marseille. Et un partout pour moi. Et un partout, d'accord. Donc a priori, l'OM ne perdra pas. Et Romain, ton petit pronostic. Il ne sera pas qualifié du coup. mon pronostic, allez, un partout également, personnellement. Un partout. Pareil pour Guy. Et moi, je vais dire, allez, 2-0 pour l'OM. Je suis chauvin. Pour le PSG en face à Nantes, non, on va pas le faire, on est trop en retard, tant pis. Du coup, un petit classement, un petit point sur le classement, donc Flo est toujours devant avec 16 points, Guy tu restes à 11 points, Romain tu gagnes une place puisque tu as 10 points maintenant grâce à ton résultat la semaine dernière, Dimitri tu restes à 9 points, Théo à 8, Yacine à 7, Vincent, Paul, donc moi-même et Tim, nous montons d'un point grâce à notre programme la semaine dernière. C'est ensuite cool. Sylvain et Anto avec 3 points. Montpellier-Barcelone en handball. On peut clore cette émission. On est en retard, on a 5-6 minutes de retard. Merci aux auditeurs de merci nous avoir écoutés. Merci à vous. Rendez-vous sur la page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout. Télégramme, sur tous les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Midi Libre, sur Le Monde et sur The Times. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir répondu présent. Merci à Romain d'avoir co-animé avec moi. Bon duo. Ouais, c'était sympa cette animation. Oui, puis merci à Flo de nous avoir fait confiance et on s'excuse auprès de Tom. Voilà, on voit qu'il faut qu'on se rôde. Hein. On est à la bourre et puis surtout auprès de nos collègues qui sont du coup en désolé retard pour leur émission. Mais merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve tous la semaine prochaine. Le son de la semaine nous a été concocté par mon collègue Paul ici présent. Merci à lui d'ailleurs pour la co-animation et c'est la fameuse bicyclette de Cristiano Ronaldo. Ça peut que me faire rêver. Forcément. À la Madrid. Et à la semaine prochaine, les gars. Oh, ils s'enflamment d'ailleurs. See you soon, guys. En retrait, la frappe de Lucas Vázquez et la parade de Buffon. La mésentente, ça va revenir. Encore dans les pieds du Real. On est en surface de réparation. La tentative de Titan. Oh, quel but! Quel but incroyable de Cristiano Ronaldo! Absolument somptueux, une papillade au point de pénalty sur ce centre en retrait venu côté droit de la part de Carvajal. Elle est splendide cette frappe et regardez, incroyable, l'ensemble du Juventus Stadium est debout pour applaudir qui? Pour applaudir Cristiano Ronaldo. Il vient de marquer un but de grande classe et le public de Turin ne s'y trompe pas. Tout le stade est debout pour saluer le but absolument incroyable, stratosphérique de la part de Cristiano Ronaldo. Un retour acrobatique d'école splendide. Ça fait 2-0. Incroyable. Ah ouais, ouais. Ah ouais, magnifique. Encore plus joli qu'Amara Simba, disons. Qu'est-ce qu'il va haut. Il fait penser à ce retourné acrobatique de Wayne Rooney dans un derby entre Manchester United et Manchester City où il était monté très haut. Ouais, et bien là c'est pareil et le geste est encore plus pur parce que Rooney avait un peu pris du tibia. Là c'est parfait, c'est le retourné acrobatique parfait. Et encore une fois, je crois que c'est la première fois que je vois ça, un stade applaudir un but de l'adversaire. On est en quart finale de la Ligue des Champions et ce but de Cristiano Ronaldo a été salué par l'ensemble des 41 000 supporters présents ici au Juventus Stadium.